C'était Mario Armel, bien sûr. L'équipe de la matinale vous accompagnera jusqu'à 8h. Isabelle, Michael, les journalistes, l'info sérieuse, bien sûr. Et Prisca, notre pétillante Prisca, qui donne à moi tous les matins envie d'aller faire mon marché, mais m'être tellement paresse que mi ça va pas. Mi préfère y amène pour moi. Prisca, aujourd'hui, au marché forain de Brapanon. Et puis, c'est Jean-Claude Machir, hein, qui va nous informer sur le réseau routier aujourd'hui. Espérons qu'il va pas y avoir trop d'embouteillages. Quant à moi, eh bien, j'aime bien vous donner rendez-vous, moi, dès demain, 4h. Oui, m'y cogner, c'est un petit peu bonheur, mais viens quand même, 4h. Bisous. Mon tonton, il aime pas travailler. Il a jamais gagné l'ampoule. Tous les matins, il est bien faille. Il faut aller. C'est un beau son frère pour Livy. Et comme Lina n'a bon bagou, il fait que tout le temps il est bien saoul. Il marche qu'un petit temps. Tout ça des à terre. Quand les veux mangent la vernis monte dans les hauts. Il y a même son de chien, il s'arrode un cariton. Parfois il descend avec 7-8 kilos. Sympa, matin comme ça. T'es mignon. Bon, ouais. Oh, bah, t'aimes bien ça en plus, Isa, ah, un bah truc oui. mignon. C'est clair, bonjour. Ça va, Isa, bonjour. Ça va et toi? Bonjour, Lorraine, ça va, oui. Bon, tu sais quoi? Bah, on est parti. Hein. Ah, bah oui, c'est Allez. L'heure. 5 heures sur la Allez. Première. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il a finalement été mis hors de cause. Le jeune homme arrêté suite à l'agression d'une étudiante cette semaine a été relâché hier. Un autre suspect est activement recherché. En attendant, le président de l'université a annoncé hier des mesures pour améliorer la sécurité sur le campus. Reportage à suivre. Le travail au noir durant la campagne sucrière, une réalité. La CGPER en est consciente. Mais hier, le syndicat agricole a dénoncé le nombre de contrôles et le poids des charges sociales. Ils sont moins chers et tout aussi efficaces. Les médicaments génériques, 8 réunionnais sur 10 les utilisent. Mais nombreux sont ceux qui doutent de leur efficacité. La ministre de la Santé a donc lancé cette semaine une campagne d'information. Devenir générique, ça se mérite. Et puis en football, la Saint-Pierroise s'envole aujourd'hui pour les Seychelles. Les Cigognes participent à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. On en parle à la fin de cette édition. Il avait été interpellé le lendemain de l'agression. Le jeune homme d'une vingtaine d'années, suspecté du viol d'une étudiante en début de semaine, a été relâché. Hier, il a été mis hors de cause par la victime qui a pu l'observer derrière une glace sans teint. L'agresseur présumé est donc toujours activement recherché. Il aurait un tatouage en forme de goutte sur le visage et serait connu des forces de l'ordre. L'enquête se poursuit. En attendant, le président de l'université, Frédéric Miranville, a pris la parole hier lors d'une rencontre avec les étudiants. Le doyen et le directeur du Crous avait également fait le déplacement jusqu'au parvis de la fac de lettres. L'occasion pour les étudiants d'exprimer leur inquiétude, l'occasion surtout pour l'administration de présenter les nouvelles mesures pour renforcer la sécurité sur le campus. Delphine Poudroux. Un deuxième poste de surveillance côté région, la révision des clôtures et des éclairages et surtout plus de vigiles, au moins le double. Voilà ce que l'université propose aujourd'hui pour renforcer la sécurité sur le campus du Moufia. Frédéric Miranville, le président de l'université, a même un calendrier. J'en ai déjà saisi le responsable de la sécurité sur le campus très rapidement, c'est-à-dire je pense que sous une échéance de 2 semaines, les choses devraient être mises en place. À cela vient s'ajouter un audit de sécurité qui sera lancé avec la direction du Crous. La même direction qui réfléchit aujourd'hui à contrôler les accès à ces résidences. Jean-Paul Duprat est le directeur général du Crous. Sur certaines résidences, on laisse volontairement le PEN ouvert de manière à ce que la porte ne puissent pas se refermer. Donc nous, notre priorité, ça va être de faire en sorte que toutes ces portes soient fermées. Mais du côté des étudiants, on attend du concret. On est sceptique parce que ça fait des années que c'est comme ça. On propose aussi des solutions. Pour moi, l'une des solutions, ça serait vraiment de vérifier l'entrée de l'université au travers des cartes étudiantes. Et il n'empêche que désormais, on a peur, surtout lorsqu'on est une jeune femme comme Pauline. Je suis aussi dans une résidence universitaire et c'est pas du tout rassurant. Alors en attendant que les mesures concrètes arrivent à sur Pauline, il va falloir prendre ses précautions et redoubler de vigilance pour éviter le pire. L'université qui a débloqué une enveloppe de 60 000 euros pour ces mesures, le CROUS de son côté a promis 160 000 euros pour sécuriser ses résidences. On reparle ce matin de l'enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral, une enquête qui a démarré en 2014. Eh bien, une nouvelle perquisition a été menée mardi dernier à la région. Des pièces complémentaires ont été réclamées. C'est la pyramide inversée qui a confirmé l'information dans un communiqué. L'enquête est donc loin d'être terminée. Elle pourrait même aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire, une éventualité à laquelle se prépare la région. Dans le reste de l'actualité, un enfant de 4 ans a été emmené dans un état grave hier à l'hôpital de Saint-Pierre. Le petit garçon, encore entre la vie et la mort ce matin, se serait noyé dans la baignoire de son appartement au tampon. Il était inconscient lorsqu'il a été pris en charge par les secours. L'opération Déposez vos armes continue. Hier, une habitante de l'entre-deux a ramené, tenez-vous bien, une roquette. Selon le quotidien de ce matin, la jeune femme d'une trentaine d'années a expliqué aux gendarmes que l'arme avait, semble-t-il, été conservée par son oncle ou son grand-père après le service militaire. On parle emploi maintenant, plus précisément du travail au noir. À chaque campagne sucrière, la polémique refait surface. Hier, la CGPER s'est exprimée. Elle voulait protester contre une série de contrôles dans les champs de canne de Sainte-Rose. Pas question de cautionner le travail clandestin, mais la Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion dénonce le poids trop important des charges sociales. Les demandeurs d'emploi eux-mêmes hésiteraient à être déclarés planteurs à Sainte-Rose. Frédéric Klein a été contrôlé dernièrement. J'ai d'autres camarades qui viennent me donner un petit coup de main des fois pour couper la canne, mais comme là aujourd'hui vous voyez là j'avais un coupeur ici, il vient 3 heures par jour pour compléter son petit salaire comme demandé à la fin du mois, mais là aujourd'hui il m'a dit ben il vient plus, il arrête parce que s'il y a des contrôles comme ça va retomber sur moi, ça va retomber sur lui, donc il a préféré filer. Là c'est fini, là je serai obligé de remettre la machine dedans. J'ai déjà mis la machine à côté là-bas. Et ben là, je vais faire pareil, hein. Je serai obligé de remettre la machine. Hein. Mais même s'il y a 3 heures par jour, il faut déclarer Ali quand même, non? Ben, on ne peut pas tout déclarer. Vu les charges sociales qu'on paye tous les ans, on fait comment? Avec un salaire qu'on a, vous pensez qu'on peut déclarer quelqu'un? Attends, pour moi, ce n'est pas possible. On touche à peu près 35 euros une tonne de canne. Vous pensez qu'on peut déclarer quelqu'un? Frédéric Klein, planteur à Sainte-Rose, interrogé par Henri-Claude Elma et Thierry Chenaillé. Emploi, toujours, vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le système scolaire et vous êtes au chômage, rien n'est perdu. Le groupement de créateurs peut vous aider à concrétiser un projet personnel ou professionnel. 25 jeunes viennent ainsi de décrocher le diplôme universitaire créateur d'activité. Une formation de 7 mois à l'IUT de Saint-Pierre, suivie par Nelly, Joël et Aïdé, notamment très fiers tous les trois de leur diplôme. Elle est super parce que déjà pour des gens qui n'ont pas de diplôme, déjà c'est un atout. Et j'apprends des choses que moi-même je ne connais pas et j'apprends sur moi-même aussi. Pour l'instant, je préfère continuer encore des études, reprendre les codes, c'est difficile. Mais puis du coup, là, dans mon cours, le groupe pourra aller encore. Dès que j'ai acquis l'école, j'ai gagné le tremplin pour rentrer à l'université. J'avais obtenu mon CAP cuisine. C'est par le pied de Pôle emploi qui m'a dirigé vers la mission locale. Puis la mission locale m'a dirigé vers le groupement créateur. Mais ça m'a aidé à approfondir mon projet car j'avais toujours envie de créer mon entreprise. Franchement, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris sur nous-mêmes. On a évolué professionnellement parlant. On a eu des personnes vraiment qui nous ont ouvert l'esprit. J'ai eu les compétences, par exemple, de la gestion, de la comptabilité, fiscalité. On voit la vie autrement maintenant. Des réactions recueillies par Pierre Komorasami. 5h07 sur la première, la suite du journal Florent Marot. 8 réunionnais sur 10 les utilisent régulièrement, les médicaments génériques. Après 2 décennies de prescription, 20% des Français doutent pourtant de leur efficacité. L'argument le plus répandu, ils sont moins chers, donc moins bons. Alors pour lutter contre les a priori, la ministre de la Santé a lancé cette semaine une campagne d'information, des spots télé, radio, pour montrer que devenir générique, ça se mérite. Cyril Apostoloff est pharmacien à Sainte-Marie et pour lui, l'usage des génériques relève du geste citoyen. Son rôle est donc d'expliquer, mais pas d'imposer. Chacun est responsable de sa santé. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Systématiquement, c'est mon droit de substitution, c'est devenu mon devoir de substitution. Je vais lui proposer, puisque c'est vraiment le mot, le maître mot, le médicament générique. Dans plus de 80% des cas, le patient est d'accord. Quand il ne l'est pas, on peut avoir une petite discussion. Si ça suffit à le convaincre, c'est OK. Si ça ne le suffit pas, stricto sensu, c'est le système de tiers payant contre générique qui s'applique. Et là, le patient fait l'avance lui-même sur ses deniers propres du médicament Princeps, charge à lui de se faire rembourser par l'assurance maladie qui le remboursera. Cyril Apostoloff, pharmacien Sainte-Marie, au micro Réunion Première de Daniel d'Ambreville. Les médicaments génériques ont permis d'économiser 7 milliards en 5 ans. Allez, on passe au sport avec du football. La Saint-Pierroise s'envole aujourd'hui pour les Seychelles. Les Cigognes disputent la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Avant leur départ, les Saint-Pierrois se sont entraînés en fin d'après-midi, hier au stade Michel Volney. Alors, dans quel état d'esprit se rendent-ils aux Seychelles? La réponse de l'entraîneur Christian Daffreville. Dans notre groupe, je crois qu'il y a les Madagascar, il y a Comores et Mayotte. On aura deux matchs à jouer puisqu'on est à trois équipes. Donc, on joue le lundi prochain et mercredi, deux matchs de suite comme ça. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. L'entraîneur de la Saint-Pierroise, Christian Daffreville, au micro de Laurent Josse. Les deux matchs de la Saint-Pierroise, le premier contre Maurice, le deuxième contre Saint-Michel, le champion des Seychelles. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, Noémie Bonin. C'est un nouveau départ pour cet homme qui avait été pris en otage par les frères Kouachi en janvier 2015 dans son imprimerie de Dammartin-en-Gouëlle. 20 mois plus tard, Michel Catalano s'apprête à inaugurer ce jeudi matin sa nouvelle entreprise en présence de François Hollande. Après l'assaut des forces spéciales, le bâtiment avait été complètement détruit. La date est confirmée, l'hommage national pour les victimes de l'attentat de Nice est prévu le 14 octobre prochain. Ce sera la première fois qu'un hommage national est décentralisé ailleurs qu'à Paris. 86 personnes avaient été tuées juste après le feu d'artifice le 14 juillet dernier. Journée d'action dans les prisons ce jeudi. Les surveillants dénoncent la dégradation de leur sécurité. Après notamment l'agression à Oni, en région parisienne, dans l'unité dédiée aux personnes radicalisées début septembre. Ce mardi encore, 5 surveillants ont été pris à partie au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, en Normandie. Le ministre de la Justice doit justement détailler le budget pour 2017 dans la matinée. Autre journée d'action ce jeudi, elle appelle cette fois des associations de retraités. Elle dénonce un pouvoir d'achat en baisse et exige une hausse des pensions. Le niveau de pauvreté augmente chez les personnes âgées. Des manifestations sont prévues un peu partout en France. Les affaires ne s'arrangent pas pour Bernard Squarcini. L'ancien grand flic est mis en examen pour une longue liste de délits présumés, notamment pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. La justice le soupçonne d'avoir utilisé son réseau au sein de la police à des fins privées pour son entreprise de conseil. L'histoire se répète encore aux États-Unis. Un homme noir non armé a été tué par la police la nuit dernière dans la banlieue de San Diego en Californie. Une manifestation s'est organisée dans la foulée devant le poste de police. Les funérailles de Shimon Peres vendredi seront suivies par le monde entier. De nombreux chefs d'État ont prévu d'y assister à Jérusalem. C'est le cas de Barack Obama, de François Hollande aussi. Le président français a également invité Nicolas Sarkozy à se rendre à la cérémonie. Shimon Peres est mort la nuit dernière, figure du monde politique israélien. Il avait 93 ans. La production de pétrole dans le monde va être limitée. Les pays de l'OPEP se sont entendus dans la soirée à la surprise générale pour réduire donc le nombre de barils. Des États qui se parlent rarement d'habitude, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, ont donc trouvé un accord. Le but, c'est de soutenir les prix du pétrole en chute libre depuis 2 ans. En football, le PSG assure l'essentiel. Victoire 3-1 en Bulgarie face à Ludogorets. Soulagement pour les Parisiens qui prennent du coup la tête de leur poule en Ligue des Champions. Ce jeudi, c'est l'Europa League. Nice joue en Russie face au FK Krasnodar. Saint-Etienne reçoit les Belges d'Anderlecht. Il est 5h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, ça s'est dégradé plus tard que prévu. Non mais c'est une bonne nouvelle, puisque hier on a eu une belle journée du coup, mais dans l'Est, les nuages sont arrivés cette nuit avec quelques averses. Vous avez essuyé quelques gouttes, notamment du côté de Sainte-Suzanne, mais sur toute la façade Est d'une manière générale. Alors on va conserver ce type de temps à l'Est, avec quelques entrées maritimes sur les premières heures du jour, et puis on devrait retrouver quelques éclaircies. La matinée sera agréable partout ailleurs, notamment dans l'Ouest et le Sud, mais une fois qu'on aura passé Saint-Denis au Nord et de l'Ouest, autre côté Saint-Joseph, il faudra faire donc avec ce lot de nuages. Cet après-midi, tout le monde sera logé à la même enseigne, quand même pas mal de nuages sur le département. Le littoral Saint-Gillois, lui, restera bien ensoleillé. Température toujours plus chaude hein, au fil des jours, avec 29 degrés attendus au maximal du côté de Saint-Gilles notamment, et des plages. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand Matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et bonjour La Réunion, bonjour Isa. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Et aujourd'hui c'est la journée mondiale du cœur les amis. Il va falloir manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter l'alcool, limiter le stress. Tout ça aujourd'hui pour fêter cette journée mondiale du cœur et préserver ce cœur. Et permettre à ce petit cœur de continuer de battre. 100 000 fois par jour. 100 000 fois par jour. 70 fois par minute. Bah oui. Ah oui, quand même. Bah oui, c'est énorme. Hein. Quand même, enfin. Oui, rarement on se demande combien de fois il bat le cœur, quoi. Bah mais oui, Isa nous le dit ce matin, donc c'est cool. C'est pareil pour tout le monde ? Bah non. Ah bon ? C'est pas pareil pour tout le monde. Bah non, par exemple, tu vois, la girafe. Ouais. D'accord ? Et ben, un gros cœur. Un gros cœur qui fait 11 kilos. Quand 11 le tien, kilos de girafe ? Quand le tien pèse à peu près 300-400 grammes, si tu veux. Et ben, un énorme cœur. Et ça draine comme ça trois fois plus de sang pour un être humain. Alors, tu es en train de dire, ouais, mais est-ce que beaucoup de sang, ça fait beaucoup de sang quand le cœur il envoie comme ça de l'afflux sanguin ? Bah oui, s'il fallait, tu vois, que ça fasse la même chose, si tu laisses ton robinet de cuisine couler pendant 45 ans, eh bien, ça fera à peu près le même débit de sang que pendant toute ta vie. Ah, quand même. T'as envie de tuer quelqu'un, Isa ? Parce que c'est bizarre, tu te renseignes sur le cœur, sur le débit de sang. Je suis Dexter. C'est ça. C'est un peu bizarre. Prisca, vous avez su ce matin combien vous battez de fois dans la journée, comme ça, à votre cœur ? Je remercie Isa. D'accord. Bonjour Prisca. C'est important. Bonjour. Hein. Salut bonjour. Prisca. Oui, c'est très important. Bonjour. Et moi, je vais faire un petit coucou à Krishna, parce que vous savez, grâce à Krishna, hier, j'ai découvert le Baby Showers. Vous connaissez ça ? Eh oui. C'est un nouveau concept qui arrive à La Réunion, en fait. C'est une fête prénatale. C'est ça. Donc, voilà. Il y a des cadeaux et tout ? Oui, et puis surtout cupcake, parce qu'en fait, Krishna, elle fait des cupcakes à La Réunion avec sa sauce, en fait, c'est elle, mais elle utilise des graines jacques, de la patate douce. Et donc, tout à l'heure, dans la colle jacques, vous savez, on va parler de la cuisine fusion, donc pour la séquence découverte. On sera entre 8h. Donc, entre 8h et 9h et avec 9h. Jackie. Mais avant cela, vous restez avec nous quand même. Hein, on va faire un petit tour. Au marché forain de Brapanon. Ah, dans l'Est ce matin. Normal, c'est jeudi. On y sera. Super. Premier rendez-vous à 6h moins le quart. À tout à l'heure. Salut Prisca. À tout à l'heure. On va filer sur l'horoscope avec Juliette. Oui, Juliette. Que se passe-t-il pour nous, pour les lions, pour les vierges, pour tous ceux qui ont un cœur ? Dans un petit instant. Allez. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à La Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans ? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Première. Et les 5h17 tout pile à La Réunion. Et nous, et ben on dit bonjour à Juliette. Oui, bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour à tous, excellent jeudi. Aujourd'hui, nous fêtons les Michel, mais attention, les Michel au masculin. Bonne fête messieurs. Je suis contente de vous retrouver. En ce 29 septembre, voici tout de suite l'horoscope de la première. Bélier, attention, les beaux chemins ne mènent pas toujours très loin. Taureau, on vous laissera en paix si vous arrêtez de lancer des rumeurs. Gémeaux, vous avez tendance à vivre avec beaucoup de nervosité autour de vous. Cancer, dans le travail, vous faites preuve d'une absolue honnêteté et d'une loyauté irréprochable. Lion, votre charme s'avère irrésistible en cette journée. Vierge, on vous protège. Cela vous évitera des difficultés financières importantes, notamment, ou des difficultés de communication dans le travail. Balance, remettez à plus tard certaines dépenses. Scorpion, vous avez de plus en plus de mal à accepter les contraintes, professionnelles ou privées. Sagittaire, votre personnalité vous facilite vos rapports. Capricorne, vous n'avez plus votre libre arbitre. Verseau, vous êtes à bout, vous risquez le burn-out, vous risquez de craquer, alors essayez de vous ménager un peu. Poisson enfin, si vous avez des enfants, ils se montrent dynamiques et curieux de tout. Excellente journée à tous et à toutes. Merci Juliette, bonne journée à toi. Et puis on va aller du côté des hippodromes ce matin. Alors oui. Déjà, on va voir ce qui s'est passé hier au Mont-Saint-Michel. Ça même. Pour le tiercé quarté quinté plus. Eh oui, et bah hier, il fallait jouer le 9, le 8, le 5, le 10 et le 12. 9, 8, 5, 10, 12, numéro plus gagnant, le 20, 41. Cet après-midi, de nouveau, un quinté, cette fois-ci à Compiègne. Ce sera le prix des ruines de Chanlieu. Il y aura 18 partants, 2000 mètres à parcourir, 5 900 000 euros dans la tirelire. Départ prévu à 15h. 47, voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 7, le 4, l'As, le 10, le 5, le 9, le 14 et le 16. 7, 4, As, 10, 5, 9, 14 et 16 pour votre quintet plus cet après-midi du côté de Compiègne. Et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Comme on vous a dit tout à l'heure, on va limiter le stress aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cœur. Mais il ne faut pas, il faut prendre soin de son petit cœur. Gaffe. Et pour limiter le stress, pourquoi pas faire des rencontres. Oh ça c'est bien. Ah, ça vous fera du bien, il y a de l'amour et tout ça. Où c'est qu'on rencontre quelqu'un? Il y a des sites de rencontres très particuliers, on vous en parlait dans un instant avec Baster. Je m'attends au pire. Maya Andrade, parole. Après ça va, c'est qu'elle va arrêter. Où va ou après, comment va changer? Nicolas, tu vas gagner le courage là. Nous vivons seul vie. Faut vivre à Lyon, à Moni, pas pourquoi. Non, quand tu sens mal, on t'a noutié. Apprécie la vie. Brûle pas libre, mieux donne à lui de l'eau. La rosée va arriver, ça l'est vrai. Si vous l'êtes capable, ramasse douleur, cassette cap, on va le rancœur. Dis pas, même si le dire, tiens beau la croix, n'a plus à vous. Braça vos esperanza, num dia melhor, e los riva prova de você. Vivimos lembrança, ma vida é pra frente. Esse mumbado de par em par, pega na esperança, leva-te dia melhor. Eles riva a prova de você. Vivi-vos lembrança, mas nunca cosqueci. Mas caminho de vida é pra frente. Hoje é uma vida, que é uma novela. Valor que tem, boquita dá. Sobre o mundo, o coração é toda o mundo a levantar. Se a vida é malícia, si vous les capables, ramasse douleur, cassette cap, on va le longueur, dis pas, même si les tirs, tiens beau la part, la vie à bout. Si vous les capables. Le duo Baster avec Maya Andrade, c'est Parole sur Première de Grand Matin. Excellent réveil avec nous, 5h22. Vous avez peut-être déjà rencontré l'âme sœur, peut-être pas, tout simplement. C'est la journée mondiale du cœur. Ouvrez votre cœur. Votre tout petit cœur. Parfois, c'est compliqué, Isa, hein, de rencontrer quelqu'un, il faut le dire. Hein, parce qu'on a une spécialité, parce que bah, c'est compliqué. Comment ça ? Chez nous, dans notre esprit, voilà. Donc du coup, eh bien, certains ont pensé à nous. Fini les mythiques, les Tinder, les Badoo. Ah, ça, c'est les trucs sur Internet. Les Adopte un mec ou autre. Ah bon ? Oui, sur Internet, maintenant, il y a des sites de rencontres plus spécifiques qui vous correspondent peut-être mieux. Ah, voilà. Finter, alors. Par exemple. Par critère de sélection particulier. Alors, très particulier, par contre. Oula, on est bien d'accord. Par exemple, si vous avez fait une croix sur le gluten, si vous n'aimez pas le gluten dans vos aliments, donc oublie, par exemple, les côtes de porc, oublie les spaghettis, le carbonara, oublie les éclairs au chocolat. Alors, ça, donc, je ne mange pas de gluten, mais je vais rencontrer quelqu'un. Pas de gluten, eh bien, vous pouvez, grâce à Glutem, rencontrer c'est mignon, ceci des étant. Gens qui n'aiment pas le jeu de mots est pas mal. Mais c'est pas mal qui n'aiment pas le gluten comme vous et qui sont donc anti-gluten, qui même prennent des pâtes sans gluten. D'accord. Bon, le problème c'est que si le mec il est anti-sucre, anti-mariage, anti-tout, à un moment on va s'ennuyer. Ça devient difficile comme vie. C'est assez compliqué. Alors il y a gluten, il y en a quelques autres quand même, hein. Bon, il y a Beautiful People. À ton avis ? Ah bon, bah c'est que pour les gens beaux. Bah voilà, que pour les beaux. Alors si t'es pas beau, déjà avec t'es viré. Avec une grosse tête comme ça et des grosses chevilles. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça. Alors l'inscription au site déjà se fait sur critères de sélection, bien sûr. Physique, évidemment. Donc, en gros, si t'es pas beau, oublie déjà. La beauté intérieure, on oublie aussi. On s'en fiche, hein, ça se voilà. voit pas. Donc si vous êtes beau et si vous trouvez très beau, bah, vous allez sur Beautiful People. Il y a Run to Meet aussi. Run to meet. Run to meet, ouais, courir, faire du sport. Voilà. Ça, c'est ton truc. Ah, bah, bien sûr. Ah, bah, voilà, tu vas t'inscrire dès demain. Je suis donc, inscrite. Pour les randonneurs, pour les boxeurs, les danseurs, les nageurs et tout le reste, c'est un moyen de rencontrer des gens sportifs comme vous. D'accord. Et donc, vous pouvez vous mettre, vous aussi, au sport en couple. Alors, l'intérêt, c'est que si vous rencontrez pas de partenaire sur le site, vous pouvez au moins avoir un partenaire de sport. Pour faire du sport. Voilà, c'est déjà pas mal. D'accord. Sinon, il y a Mon Dada. Ça, je pense que ça vous plaira plus. Pour les adeptes de tricot. Ah. Du cinéma des années 20, de littérature ukrainienne, des trucs bien chiants, quoi. En gros. Ça m'intéresse. Voilà, bien. Mon Dada, c'est pour toi, Isabelle Waro. Le site affiche 15 millions de célibataires. Ah, putain, leur vie est pourrie, hein. Ah, mais... Ça, on peut le dire. Non. Et c'est donc Mon Dada. Leur vie est pas pourrie, ce sont des incompris. C'est pas pareil. Ça doit être ça. Donc là, vous inscrivez si vous avez ce genre de passion. Quand t'as tricot, si tu veux, film ukrainien, si t'as pas beaucoup d'amis. Quoi. Les pauvres. Imagine la soirée pizza le samedi soir, c'est comment ça. On doit s'éclater. Et bien, il y a des célibataires qui trouvent l'âme sœur sur Mon Dada. Et puis alors, j'ai trouvé un truc pour vous pour finir. Alors, vous aimez le porc, on sait, hein, vous aimez sa viande. Cochon. Vous aimez la viande cochon, oui. La bonne viande cochon. Eh bien, il y a le site pour ceux qui aiment la viande, justement. Ah, bah génial. Mais surtout ceux qui aiment le bœuf. Ah. Voilà, donc en gros, si vous êtes adepte du bœuf, vous allez rencontrer votre âme sœur sur ce site. Alors le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à être gros avec un entrepôt de frites, hein, tous les jours. Hein. Mais apparemment, ça marche, ça fonctionne, ouais. Ça s'appelle Bœuf Lover. Alors imaginez un peu la scène. Oh, Dorothy, on est dans l'ambiance déjà. Dorothy, bonsoir. Oui, Dylan. Ça va, Dorothy ? Ça va, Dylan. Tu veux une entrecôte ? Appelle-moi ma petite cocotte de bœuf. Ta petite cocotte, tu préfères l'onglet ? Tu préfères un onglet de bœuf ? Oh oui ! Oh oui ! Entrampons-nous dans le roquefort ? Tu as une belle hampe ? Oh oui, tu as vu ? Mangeons ensemble, ma chère Dorothy. Dorothy ! Oui ! Oh, tu aimes Dylan. Le bœuf ? Tu aimes le bœuf ? Oui ! Oh oui ! Mon petit bœuf. Oh. Courons dans le bœuf. J'ai envie oui. de te voir gambader dans la prairie, je Allons-y t'imagine. Allons-y avec les vaches, oui. Mon petit bœuf. Oh, ma Dorothy. Mon ma Dylan. Ma belle entrecôte. Mon Dylan. Appelle-moi oui. ma petite cocotte de bœuf. Oui, ma petite cocotte de bœuf. Ça craint quand même, hein, les Ça craint du boudin, hein. Ça, on peut vous le dire. Ouais, mais boudin, bon. Mais pas de boudin de bœuf. Non. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, c'est comme ça. Bon, ben voilà. Hein. Ben voilà. Hein. Si vous n'avez pas trouvé l'âme sœur, peut-être avec nous, grâce à Réunion Première et Grand Matin, vous avez résolu le problème. N'oubliez pas, mondada.com, oui. Amis du tricot et des films ukrainiens. C'est ça, Mondada. Tu ne pas là-dessus. Hein. Non, je crois pas. Si vous aimez les fous dans le Grand Matin, si vous nous aimez un peu, vous nous envoyez j'aime sur le 70-2000 et vous gagnez un week-end à Silence. Exactement. Quei momenti fra di noi, i distacchi miei dintorni. Da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Di la vita de Eros Ramazzotti et Tina Turner. Oh, bye bye bye, Italia. 5h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. La peur et le ras-le-bol au campus. Après le viol d'une étudiante lundi, certains quittent le Crous. Delphine Poudroux a rencontré un étudiant de 22 ans. Sa décision est prise. Il se logera dans le privé. Témoignage dans un instant. Ras-le-bol aussi des contrôles du travail au noir dans les champs de Cannes. C'est la CGPER qui les dénonce. Pas la faute des ouvriers pour les planteurs, ni des planteurs, pardon, dit le syndicat agricole. Nous entendrons Jean-Yves Minacci. Les médicaments génériques en campagne, le gouvernement veut rassurer sur leur efficacité. Et puis un salon de la maison et de l'automobile au port. Il ouvre ses portes aujourd'hui. Présentation à la fin de ce journal. Retour sur le campus du Moufia ce matin après le viol dénoncé par une étudiante lundi dernier. La jeune fille a été agressée dans les douches de la cité universitaire. Mardi et hier, les étudiants demandaient plus de sécurité sur le campus, de la colère et de la peur. Voilà l'état d'esprit après cette agression, à tel point que certains étudiants ont pris la décision de quitter leur logement au Crous. Delphine Poudroux a recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Il a souhaité rester anonyme, nous l'appellerons Raphaël. Dans un mois, Raphaël quittera son logement étudiant au Moufia pour une résidence privée. Un choix mûrement réfléchi, conforté depuis par le viol dénoncé lundi. Bah écoutez, très sincèrement, tout ce qui se passe, je ne veux pas décharger la responsabilité sur les membres du Crous, enfin, de l'administration, mais c'est relativement grave. Et ce sentiment d'insécurité, l'étudiant en droit le ressent au quotidien. La porte souvent ne se ferme pas, ou reste ouverte. Par exemple, cette porte-là, elle vient d'être réparée, ça fait même pas une semaine. Des fois, voilà, c'est tout le monde qui peut entrer, en fait, finalement. Même la journée, je peux comprendre que le portail est ouvert, tout le monde puisse entrer. Mais le soir, des fois jusqu'à 22h, le portail est ouvert, tout le monde peut venir en fait. Hein. En plus, au-delà de cette insécurité, Raphaël dénonce des situations peu rassurantes. Dans cette cité par exemple, là je connais trois personnes qui se prostituent et des gens peuvent venir comme ils veulent. Quoi. Et puis, Il y a ces étudiants qui sous-louent leur logement à n'importe qui, sans contrôle. C'est aberrant. Hein. Moi, ça fait l'an passé, j'étais là, j'ai dû régler, alors que je suis un étudiant, hein, je disais, ah, c'est pas à moi de régler ça. Vous avez dit le cas de la fille, là, par exemple, qui, avec ses deux enfants qui vivent ici, elle n'a pas le droit. C'est une sous-location, un locataire ici l'a loué. Alors bien sûr, aujourd'hui, toutes ces situations ont entamé la confiance de l'étudiant. Demain, dit-il, je paierai mon studio un peu plus cher, mais c'est peut-être le prix à payer pour ma tranquillité. Et le Crous rappelle aux étudiants locataires de ces hébergements le numéro d'urgence mis à leur disposition 06 92 05 88 55. Dans le cadre de l'enquête sur l'agression de lundi, le suspect entendu depuis mardi a été relâché. Un autre homme qui n'est pas un étudiant du campus est activement recherché. La sécurité des étudiants, comment la renforcer? On y revient ce midi avec Philippe Dornier et ses invités. Ce sera le thème de C'est dans l'actu. Vos questions, vos réactions au 02 6 2 99 2000 dès midi 15. À chaque campagne sucrière, le problème se repose. Planteurs et coupeurs s'arrangent pour ne pas déclarer le travail de certains. Les coupeurs se font rares et la tentation est grande de travailler au noir. Et chaque année, la CGSS et la gendarmerie effectuent des contrôles. Ça ne plaît pas à la CGPER. La Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion dénonce des charges sociales trop lourdes pour embaucher des coupeurs de canne et admet qu'une partie de ces travailleurs ne souhaite pas être déclarée. Pour le président de la CGPER, Jean-Yves Minacci, les pouvoirs publics veulent sanctionner sans essayer de régler le problème. Lorsqu'on a manifesté en 2012 à Saint-Denis, en pleine campagne sucrière, on a dit à l'État d'adresser un courrier à chaque bénéficiaire du RSA pour dire « Monsieur, vous pouvez travailler, votre nuit ne sera pas coupée. » Ça n'a pas été fait. Voilà le travail de fond qu'il faut faire. On n'est pas des délinquants, on n'est pas des voleurs. Mais Monsieur Minacci, il est dur d'accepter le fait de dire « il faut du travail au noir pour que la canne y continue. » Écoutez, du travail noir ou pas, c'est la faute à l'État. Adresse un courrier à chaque bénéficiaire du RSA. Le bouclier arrive là. Il dit, s'il te plaît, à moi là. Ah, mais il ne vient pas. Mais s'il y a une garantie auprès de l'État qui l'autorise de travailler, même 3 heures, son revenu ne sera pas coupé, ben, il vient, lui. Il n'y a pas de souci. Des propos recueillis par Henri-Claude Elma et Thierry Chenaillet. En bref, les suites de l'enquête préliminaire pour corruption dans l'attribution des marchés du chantier de la nouvelle route du littoral. Deux nouvelles perquisitions ont été menées au Conseil régional mardi. Cette enquête pourrait aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire. Le Conseil régional l'envisage et dans un communiqué déclare qu'il se portera dans ce cas partie civile. Ils sont prescrits depuis 20 ans. Les médicaments génériques ont trouvé leur place petit à petit, mais le gouvernement souhaite convaincre les 20% de la population qui ne leur font pas confiance. À La Réunion comme en métropole, il reste des sceptiques, d'où la campagne nationale d'information lancée mardi par la ministre de la Santé. Devenir générique, ça se mérite. Jean-Xavier Bello est le directeur de la santé à la Caisse d'assurance maladie. Le médicament générique, c'est un médicament qui a les mêmes effets thérapeutiques qu'un autre médicament. Mais il y a encore des doutes, il y a encore des questions. Et donc, il est important de pouvoir apporter les réponses. Le doute peut être à plusieurs niveaux. Le médicament générique, c'est un médicament qui est moins cher. C'est bien pour cela qu'on essaie de le promouvoir. Ça nous permet de faire des économies. Mais souvent, quand on pense que c'est moins cher, on associe le moins cher à une moindre qualité. Sauf que pour le médicament générique, ce n'est pas la réalité. La différence de coût se justifie par le fait que le laboratoire qui produit un médicament générique n'a pas à payer les coûts de marketing et les coûts d'innovation, puisque le médicament générique est tombé dans le domaine public. Jean-Xavier Bello est le directeur de la santé à la Caisse d'assurance maladie. Il répondait à Daniel d'Ambreville. Les médicaments génériques définis comme une copie conforme d'un médicament de marque, vendu 30 à 50% moins cher, ont permis d'économiser à l'assurance maladie 7 milliards d'euros en 5 ans. On reste dans le domaine médical avec cette journée porte ouverte aujourd'hui à l'hôpital d'enfants de Saint-Denis. C'est un établissement de santé privé, mais à intérêt collectif. Il ouvre ses portes pour mieux se faire connaître du grand public. Il s'occupe depuis 2006 des soins de suite et de réadaptation des enfants. Les explications du docteur Denis Vérolpen. Il est neuropédiatre et président de la conférence médicale d'établissement. On a des patients qui relèvent de rééducation et de réadaptation, et on a des patients qui relèvent de pédiatrie. Alors la rééducation et la réadaptation, ce sont des projets qui sont centrés sur la récupération de la fonction de certains organes, en particulier des membres, dans des problèmes locomoteurs, des problèmes strictement orthopédiques, assez complexes, qui nécessitent une prise en charge par plusieurs profession médicale et paramédicale, ou des problèmes moteurs d'origine neurologique, par exemple. L'aspect réadaptation, c'est aider un patient à compenser des handicaps qui sont dus à ses problèmes de santé et qu'on ne peut pas vraiment rééduquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement récupérer. Le docteur Denis Verhulpen, neuropédiatre et président de la conférence médicale d'établissement, il répondait à Johan Adama Dorassi. 5h38 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Vous avez des idées de création d'entreprise? Eh bien, sachez qu'il existe un diplôme universitaire pour valider vos aptitudes de créateur d'activité. La formation est dispensée à l'UIT de Saint-Pierre. Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi, avec ou sans diplôme. Une première vague de diplômes vient d'être remise. 25 jeunes de la mission locale l'ont décroché. Après 7 mois de formation, ils sont prêts à reprendre des études ou à se lancer dans la vie active. Carole Mondon est responsable du groupement de créateurs. C'est un accompagnement qui dure un an à peu près et qui se divise en deux phases. Une phase d'émergence de projet pour tout jeune qui a une petite idée de projet, une envie de créer. Il se retrouve dans ce groupement de créateurs, il travaille son projet pendant 6 mois à peu près en phase d'émergence et ensuite il peut accéder, s'il le souhaite, à un diplôme d'université création d'activité avec l'université, donc l'IUT de Saint-Pierre. La phase d'émergence permet de visualiser un petit peu plus le projet avant d'entamer la phase de formation qui aide le jeune à aller plus vers la gestion d'entreprise en fait. Dans ces du cas, il y a des enseignements sur la fiscalité, sur le droit des affaires, sur la comptabilité. Donc le jeune, quand il a entamé le DUCA, où il acquiert des compétences techniques à la création d'activités, il peut éventuellement, s'il le souhaite, créer ensuite. Carole Mondon, responsable du groupement de créateurs, au micro de Pierre Komorasamy. Au port, un salon multiple ouvre ses portes aujourd'hui. C'est la 11e édition du salon de l'habitat, de l'immobilier et de la voiture d'occasion. C'est à la halle des manifestations du port. Présentation avec Hubert Debeu. Le 2-en-1, Philippe Tarbourièche, l'organisateur, connaît bien désormais. Le salon de l'habitat et de l'immobilier est depuis 2 ans indissociable du salon de la voiture d'occasion. Et ça tombe bien, puisque l'un comme l'autre passionne les Réunionnais, ça rentabilise aussi. Ça nous permet d'avoir un visitorat un peu plus important. Et ma foi, on avait des extérieurs qui étaient un peu inoccupés. Pourquoi pas le VO, puisqu'il n'y a pas de salon proprement dit du véhicule d'occasion depuis 10 ans. Durant 4 jours, 70 à 90 exposants vont proposer toutes sortes de mobilier de voitures d'occasion. Une dizaine de milliers de visiteurs sont attendus. Les vendeurs de voitures veulent éclaircir leur stock. C'est important d'être là. Jean-Christophe Debru est le gérant d'un parc d'occasion à la Possession. Oui, c'est important parce que ça permet à la fois donc d'exposer des véhicules, bien sûr les vendre. C'est un marché très fluctuant puisqu'il y a des mois qui vont être excellents, des mois moins bons. Difficile de connaître les chiffres du marché de l'occasion. On sait en revanche que les parcs sont remplis, que les voitures généralement sont saines et récentes. Ce qu'il manque visiblement, ce sont les véhicules pas chers. Il y a du choix. Alors après, il y a une gamme de prix qui est très difficile à trouver, qui sont les véhicules entre 3 et 5, tout en voulant garantir le véhicule, donc parce qu'après on tombe sur des véhicules qui ont beaucoup de kilomètres. Et la gamme aussi, on va dire 6-8. Le salon ouvrira ses portes ce matin à 10h jusqu'à 19h et ce sera comme ça jusque dimanche. Et la maison et la voiture, c'est donc au port dès aujourd'hui. Merci Cécile, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est 5h41. Ah, Michael, hier soir, bon, de la pluie, il faut le dire, hein. Côté est, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que le soleil sera toujours perturbé? Bah plutôt perturbé, aïe, le soleil aïe. Dans l'est à nouveau, puisque la dégradation qu'on avait attendue donc pour la journée hier est finalement arrivée un peu plus tard. Ouais. Et on a encore des averses donc sur l'est, sur Sainte-Suzanne, sur Brapanon, la région de la Plaine et Palmiste, le volcan ou encore le baril, hein, vraiment à l'est d'une ligne Saint-Denis-Saint-Philippe. Vous tracez une ligne du nord au sud, vous coupez la Réunion en deux. De l'autre côté, à l'ouest, c'est quand même beaucoup plus dégagé, beaucoup plus clément. Et c'est le même type de temps qui va persister une bonne partie de la matinée, même si dans l'est, on pourra retrouver des éclaircies. Puis cet après-midi, tous les hauts de l'île seront pratiquement sous les nuages avec des débordements possibles sur la côte ouest. A priori, seul le littoral Saint-Gillois bénéficiera des plus belles éclaircies pour l'ensemble de la journée. Les températures par contre sont douces ce matin. On a une vingtaine de degrés un peu partout sur le littoral. Il fait 10 degrés à la plaine des Cafres, 6 au volcan et 14 au cœur des cirques et notamment celui de Cilaos. Cet après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 29 degrés tout de même sur les plages. Isa. Et il est 5h42. Eh oui.

Et aujourd'hui, c'est jeudi, c'est jour de marché à Brapanon. Prisca, vous êtes dans la place. Oui, et on range son parapluie hein, du côté de Brapanon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a quelques nuages, mais c'est bleu, hein, ça va se dégager. Bon, bonjour, ben, David. Bonjour. Comment il est ? Il est là. Bon, vous allez vivre ça en direct, hein, les amis. Ah. Jackie la ramène 20 jacques. Donc là, il est en train d'attaquer le premier, c'est ça ? Oui. Combien de kilos n'est-ce au moins ce Jacques-là ? Mais que pas, peut-être 10 kilos. Et ben, elle est exceptionnelle ou c'est une sorte bonne Jacques-là ? C'est un rose, un Jacques comme ça ? Donc comment est-ce que vous faites ? Parce que là, elle est littéralement pris dans la colle Jacques-là. Ah, mais non. Ben, mieux à ça, vous avez les gants et tout, mais ça coule bien. Et après, vous faites quoi pour enlever le lait là sur le Jacques ? La colle, ça y enlève avec les gants. Ah, ou enlève. Ah ouais, c'est vrai, c'est efficace en fait. Il a des gants en latex. Et puis en fait, on passe dessus, puis la colle, il s'en va. Hein ? Ouais. Et après, j'ai des gants, quoi. Oui, tout de suite. Et donc là où ça a attaqué, comment on peut dire ça ? Où ça bat ça, ou là, c'est ça ? Oui. Où ça achalit, en fait. Mais ici, il n'y a pas de robot hein, sur les marchés. Vous utilisez des couteaux, c'est ça ? Mon robot, c'est mon bras. Alors déjà, il a fait du sport hein, ce matin, David, parce qu'il fallait décharger ce ventre 20 jacques, là. Imagine, il y en a un, il pèse 10 kilos. Et c'est pas le plus gros, là, hein, qui est à côté. Il y en a 20. Ça va, le bras ? Oui. Ouais, donc là, vous avez attaqué le hachage du petit Jacques. On prend quoi, là ? Deux couteaux, un couteau ? Deux, comme Madame Gilbert de l'autre côté. Ok, pas, mais regarde pas. Ah, ça fait un con, quoi, petit Jacques, grand matin, quoi ? Ah, non. Un record ? Non. Vous voulez dire, moi, où ça bat les 20 Jacques, là, aujourd'hui, là ? Non, c'est plus de marché forain. Ah, bon, parce que la main, là, il peut, là. Il a dit, oulala, on va enclencher le chronomètre et la caméra, hein, n'est-ce pas, les amis ? Tu m'étonnes. Et c'est compliqué comme travail, hein, de battre le Jacques, hein, moi, je te dis, hein. Ah, elle est pas évident, hein. C'est vrai qu'il a des muscles. Vous faites ça difficile, hein. Ouais, mais vous faites ça depuis quand? Ah oui, c'est ça. Ça dépend pour qui. Ouais. Mais il fait 6 ans. C'est ça. Vous voulez entraîner, en fait. C'est ça, c'est l'expérience. Et pour la première barquette de petit Jacques, il faut passer vers quelle heure? Hein, là, dans 10 minutes, 15 minutes. Ah, ça y est. Bon, bon, bah, ok. Et bon, on passe. Combien? 2,50€. C'est super pratique, hein, les amis, hein, pour ceux qui aiment ça, petit Jacques Boucané. Pour ceux qui veulent pas le couper, surtout. Si tu veux pas être pris dans la colle Jacques, viens voir David. Il y a aussi Gilbert. Tiens, on va parler avec Gilbert tout à l'heure. Et puis, on va lancer un défi en direct du marché Foraine Brapanon. On veut. C'est pas de concours, mais. Non, bon, c'est pas un concours, c'est un défi. Pareil. Ah, pareil, Jacques. Un défi, un concours. Un point de paix dedans, affole pas. C'est ça. Non, voilà, vous l'avez entendu, Banana, là ? Oui, mais on entend bien. Bon, vous êtes prêts, le défi ? Non. Allez. Merci, Jacques. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais le motiver, puis je vous retrouve tout à l'heure à 6h20, ok ? D'accord. Ok, Jacques, allez. Jacques, vous aurez un bisou d'Isa. Alors, il ne s'appelle pas Jacques, hein, il s'appelle David. Ah, David. David. Ouais, mais comme ils battent le petit Jacques depuis 6 ans, voilà, on peut appeler Jacques maintenant, c'est bon. Bon, David Jacques, un bisou d'Isa si vous faites le défi. Hein. Bon, allez. Salut David Jacques. Tiens, bon, bye. Bon. Bye bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Oui. Je pensais l'avait appelé Jacques, moi. Ben non, le monsieur. Vous qui appelez David. On est bien réveillé ce matin. Oui, on est bien réveillé. David Jacques ça, battu. Ça, oui, ça, c'est son nom ça. Complet. 5h50. Allons jouer, Mickaël. Allez, 7 octobre prochain, réservé le week-end. C'est le week-end dans 10 jours, hein, maintenant. Donc pas celui-là, mais l'autre. Voilà. Ah d'accord. C'est ça, ouais, 10 jours. D'accord. 10 jours et ça. Faut que ça calcule. Samedi en 10. Pas facile, hein. Ouais. Bah, samedi en 10. Samedi en 10. On peut dire ça comme ça. On peut dire samedi en 10. Bon, allez bah pourquoi voilà. Pas. Allez, oui, soyons fous. Soyons fous ce matin. 7 octobre prochain, Désiré François, l'Indigo. Imaginez déjà l'ambiance. Ouais. 3 heures de show. C'est ça. Ça sera au petit stade de l'Est et c'est peut-être pour vous. C'est ça. Parce que bientôt, il n'y aura plus de billets. Mais heureusement, nous, on en a rien que pour vous. Ça se passe au 02 62 99 2000 maintenant. Allez, à condition de trouver ça, le soit truc. Le titre, soit ouais. L'artiste. Oui. Des deux extraits que DJ Fou a mixé. C'est parti. Ah bah ouais, alors là. Si on reconnaît pas la voix. Comment ? Ah bah oui. Ah bah et oh. On parle du petit stade de l'Est. Il y sera lui aussi. Bah oui, bientôt. Bon, c'est facile, deux crooners. Ouais. Ah bah si, on peut dire crooner. On peut dire comme ça, ouais, effectivement. Bon. Allez. Le chanteur chanson Amour. 0262 99 2000, on file déjà sur le standard. Bonjour, c'est à vous. Bonjour, c'est qui à l'appareil? Sébastien à l'appareil. Bonjour. Salut, Sébastien. Sébastien. Comment il est ? Ça va, Sébastien, elle est là. Toute l'équipe est là, tranquille, pour vous réveiller. Vous êtes réveillé, Sébastien, apparemment. À moi depuis 2h30, oui. 2h30 ? 2h30 du matin ? À cause ça. En fait, aujourd'hui, je suis chauffeur-livreur. Ah, d'accord. Ah, bah oui, normal. Normal. Voilà. En même temps, à 2h30, il n'y a pas d'embouteillage. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est mieux. Mais là, quoique si je suis dans l'embouteillage, je suis sur les travaux des Basses Vallées, là. Donc, d'accord. Ah, côté Saint-Philippe. Voilà, c'est côté ça. Côté Saint-Philippe. Un petit coup de klaxon, Sébastien. Allez. Ah, ok, pas de problème. Allez. Ouais, voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres amis chauffeurs-livreurs dans le coin ? Non, ils sont pas là ? Et attention. Pas encore. On n'a pas le droit de klaxonner n'importe je comment. Sais qu'on a pas le droit. C'est pour ça c'est interdit. C'est pour ça que je lui demande à Sébastien, parce que moi j'aime bien les trucs. Ah oui, vous faites pas où ? Illégaux. C'est pas où il gagne après un bon point en moins, bonnes amendes, ça fait comme Sébastien, ça. Sébastien, il n'y a pas de flics là, c'est bon ? Non, bon, y a pas de flics. Allez, on ne les voit pas, c'est pas pareil. Tout va bien, il dort encore, comme il dit Sébastien. Bon alors, Seb, c'est quoi la bonne réponse d'après vous ? Donc, le premier c'est Dominique Barré, le second Kenji Girac. Mais il est trop fort. Mais trop fort, bravo. Allez, Seb, en avant les billets. Félicitations, les invitations pour le concert Enfants Zillois, le 7 octobre au Petit Stade de l'Est. Eh bien, c'est pour vous. Impeccable, je vous remercie. On a bien fait l'œuvre 2h30, moi, il y a au moins. On a bien fait d'appeler pour la première fois ici aussi. En plus, bienvenue. C'est gentil. C'est chouette. Bienvenue, on vous fait un gros bisou. Un petit service pour moi, s'il vous plaît. Allez, Seb, on écoute. Une petite musique. Ou quoi ça, vous écoutez. On va essayer. David Sicard. Ok. Alors, on essaye de voir avec. Avec toute l'équipe. Sinon, Catherine, n'importe. David Sicard, quoi. Nous voit ça, bon, Seb. Nous voit ça. Bisous. Salut, Seb. À plus tard. Merci. À plus tard. Allez, 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Amouni Samy Jean-Baptiste. Monsieur Amouni Samy Jean-Baptiste dit Iris. Le décès est survenu mardi à l'âge de 78 ans. Convoi mortuaire sortira de son domicile, 36 rue du Lavoir, Cambuston, à Saint-André, aujourd'hui à 15h. Une cérémonie tamoule aura lieu au domicile à 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-André. Décès de Monsieur Payette, Jackie Yves. Monsieur Payette, Jackie Yves, le décès survenu hier à l'âge de 48 ans. Le domicile, 211 rue d'Achery au Tampon. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Payette Marie Suzel, veuve Waraud. Madame Payette Marie Suzel, veuve Waraud. Le décès survenu hier à l'âge de 81 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire du Sud aujourd'hui. La crémation est prévue à 11h. Décès de Madame Malin, née Baudet, Marie-Irène, dite Madame Mardet. Madame Malin, née Baudet, Marie-Irène, dite Madame Mardet. Le décès survenu mardi à l'âge de 83 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 449, route nationale 2 à Piton-Sainte-Rose, aujourd'hui à 15h30. La bénédiction ralliant l'église de Sainte-Rose à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Décès de Madame Lebon, Marthe Ruffine, Madame Lebon Marthe Ruffine. Le décès est survenu hier à l'âge de 84 ans. La veillée a lieu au domicile 223 rue Edmond Albius à Saint-Joseph. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui. L'heure sera précisée ultérieurement. Décès de Madame Grand-Maison, née Boyer Gabrielle Marthe. Madame Grand-Maison, née Boyer Gabrielle Marthe. Le décès est survenu hier à l'âge de 91 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 29 rue Ferdinand Aubert à Saint-Benoît. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Et puis décès de Madame Atec Claude Nicole. Madame Atec Claude Nicole, le décès est survenu le 15 septembre à l'âge de 51 ans. La veillée se tiendra au centre funéraire de Prima à partir de 14h cet après-midi. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima demain. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Jacques, l'inhumation au cimetière de Prima. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Des infos pratiques, Michael. Eh ben aujourd'hui, vous n'aurez plus d'électricité à Saint-Joseph. De 9h à 16h, rue Albert Lougnon, ruelle des Manguiers, impasse des Tilleuls, rue Édouard Lavie, des Bibasses, des Jasmins, Albert Lougnon et des Abricotiers. Alors certaines rues sont concernées en partie. Hein. Saint-Paul, de 8h à 13h30, n'aura plus d'électricité aussi sur son quartier de Saint-Gilles-Léo, à chemin Lacaille, chemin Fontmonnier, rue des Goyaviers, des Mertilles, chemin d'eau, chemin Mascade, impasse des Aubépines, rue des Framboisiers, impasse passe Morissière, rue des Jacquiers, rue des Prunelles, chemin Ligne-Berthaud. Puis on finit par Saint-Philippe de 8h à 15h30, rue des Goyaviers, des Pandanus, ruelle Pavée, route nationale de Marlongue, rue des Anturiums, ruelle du 20 décembre, ruelle Louis-Philippe et rue des Badamiers. Là aussi, vous serez coupé. Donc au niveau de l'électricité pour ce jeudi 29 septembre. À nous, quand vous demandez quelque chose, on vous l'offre. Ouais, quand nous gagne, nous fait nous. Nous les comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe un dans le bon matin. Bon Devisca pour tout de monde ce matin. Avant l'actu de Florent Marot, à 6h. Bon réveil. Quel bateau est calme en plein milieu l'océan. Il prend la mer pour basse la pélocité. Jusqu'à ta l'air qu'on a pour aller plus fort. Nous, un bon pirate débarqué. Il sait mon pavillon. Il sait où est mon pays, mon nation. Il sait pour connaître. Il sait ouais bien n'a pas n'importe qui. Il sait. Imagine demain nous les prix dans un pied gros temps. Nous la savirer la poudre dérivée d'un malisé. Oh t'es comment oui vé. Si même elle nous bonne, il voit même pas qui ça nous l'est. Alors Il sait mon pavillon. Il sait où l'est mon pays, mon nation. Il sait pour connaître. Il sait ouais bien n'a pas n'importe qui. Un bon sans couleur, c'est un bon, chacun son côté. Un bon sans couleur, c'est un bon, plus facile pour amarrer, plus facile pour diviser, pour dominer. Tout type bouti met ensemble. Tout ça joli les affaires nous guérir fait. Il sait mon pavillon. Il sait couler mon pays, mon nation. Il sait pour connaître. Allez, on hisse le pavillon de grand matin pour bien démarrer la journée avec David Sicard. Avec David Sicard, ça devrait bien se passer. Il est 6h sur la première. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. 8 réunionnais sur 10 les utilisent. Les médicaments génériques ont encore aujourd'hui mauvaise réputation et pourtant, ils sont moins chers et tout aussi efficaces. C'est le message en tout cas que souhaite faire passer le ministère de la Santé dans une campagne d'information. Reportage dans ce journal. Le jeune homme arrêté suite à l'agression d'une étudiante cette semaine a été relâché. Un autre suspect est activement recherché. Hier, le président de l'université a annoncé des mesures pour améliorer la sécurité sur le campus. 60 000 euros vont être débloqués. Et puis la 11e édition du Salon de l'Habitat et de l'Immobilier s'ouvre ce matin à la halle des manifestations du port. Une manifestation qui partage l'affiche avec le Salon de la voiture d'occasion. On en parle à la fin de cette édition. Si c'est moins cher, c'est donc que c'est moins bon. Cette phrase, de nombreux patients l'ont prononcée lorsqu'on leur a proposé un médicament générique. Actuellement, 8 réunionnais sur 10 les utilisent. Pas besoin, en effet, d'avancer l'argent pour un générique. Pour répondre aux interrogations, la ministre de la Santé a lancé cette semaine une campagne d'information, des clips, des affiches pour montrer que devenir générique, ça se mérite. Daniel Dambreville. Les médicaments génériques sont aussi sûrs pour notre santé que leurs originaux, aussi appelé princeps. La majorité des Réunionnais en est convaincue, puisque 81% d'entre eux y ont recours pour se soigner. Les malades souffrant du diabète ou d'hypertension en consomment depuis des années dans l'île. Mais les premiers convaincus de l'efficacité et fiabilité des génériques restent ceux qui les prescrivent. On a quand même tous les jours des patients inquiets en nous demandant « Docteur, est-ce que vous pouvez marquer la mention non substituable ? Le pharmacien ne pourra pas me donner le vrai médicament. » Michel Derquez-Borian est médecin généraliste à Bagatelle. Pour moi, il n'y a pas de vrai médicament, de faux médicament. Il n'y a que des bons médicaments. Et les génériques sont des bons médicaments. C'est en tout cas la certitude de ce pharmacien de Sainte-Marie, Cyril Apostoloff. 97% des pharmaciens utilisent des médicaments génériques. Si le professionnel du médicament prend des génériques en masse, vous pouvez lui faire confiance. Même efficacité en termes de force et de vitesse. Pourquoi donc prendre autre chose si on peut avoir la même chose moins cher ? On pourrait douter de la sincérité de ces professionnels de santé. Ils perçoivent en effet une rémunération de l'assurance maladie calculée sur le nombre de génériques prescrits ou vendus. Mais il est vrai que les génériques facturés 30 à 50% moins cher que le médicament d'origine permettent d'économiser chaque année près d'un milliard d'euros, des fonds qui servent en principe à financer de nouveaux traitements. Reste donc aux médecins et aux pharmaciens à convaincre les Réunionnais qui doutent encore. C'est notre rôle de professionnels de santé d'expliquer, on peut que comprendre qu'il y ait de l'inquiétude. Le médicament, ce n'est pas un bonbon. Et malgré tout, en France, après deux décennies de prescription, 20% des patients doutent encore de l'efficacité des génériques. Il avait été interpellé le lendemain de l'agression. Le jeune homme d'une vingtaine d'années suspecté du viol d'une étudiante en début de semaine a été relâché hier. Il a été mis hors de cause par la victime qui a pu l'observer derrière une glace sans teint. L'agresseur présumé est donc toujours activement recherché. Il aurait un tatouage en forme de goutte sur le visage et serait connu des forces de l'ordre. L'enquête se poursuit. En attendant, le président de l'université, Frédéric Miranville, a tenu à rassurer les étudiants hier, des étudiants qui ont profité de cette rencontre pour exprimer leur inquiétude et proposer des solutions. En tout cas, des mesures ont été annoncées à court et moyen terme pour renforcer la sécurité sur le campus. Les précisions de Frédéric Miranville. À moyen terme, il y a un audit de sécurité qui sera lancé de façon conjointe entre l'Université de La Réunion et la direction générale du CROUS. Et à très court terme, nous avons souhaité mettre en place des mesures très rapides. Le doublement des effectifs de sécurité sur le campus du Moufia. Le fait que l'ensemble des points de faiblesse sur l'enceinte universitaire, que ce soit les clôtures, que ce soit les accès, que ce soit les éclairages, soient vus et revus et corrigés. Et enfin, le fait que nous puissions donc avoir un deuxième poste de sécurité sur le campus du Moufia. Donc l'entrée côté région va être réouverte, la loge va être refaite et on aura une équipe de sécurité qui sera là. Il fera des rondes. Combien de vigiles aujourd'hui, combien demain ? Aujourd'hui, on en a 6 en fait, qui fonctionnent de 6h donc à 21h et une équipe qui fonctionne de façon externalisée de 21h à 6h du matin et on compte donc doubler, donc on serait à 16 agents au total. Frédéric Miranville, président de l'université au micro Réunion Première de Delphine Poudroux. Les mesures annoncées devraient être mises en place d'ici 2 semaines. L'université a débloqué une enveloppe de 60 000 euros pour la sécurité sur le campus. Le CROUS, de son côté, a promis 160 000 euros pour sécuriser ses résidences. On en reparle dans C'est dans l'actu ce midi avec Philippe Dornier. On reparle ce matin de l'enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral. Une enquête qui a démarré en 2014. Eh bien, une nouvelle perquisition a été menée mardi dernier à la région. Des pièces complémentaires ont été réclamées. C'est la pyramide inversée qui a confirmé l'information dans un communiqué. L'enquête est donc loin d'être terminée. Elle pourrait même aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire, une éventualité à laquelle se prépare la région. Dans le reste de l'actualité, un enfant de 4 ans a été emmené dans un état grave hier à l'hôpital de Saint-Pierre. Le petit garçon, entre la vie et la mort ce matin encore, se serait noyé dans la baignoire de son appartement au tampon. Il était inconscient lorsqu'il a été pris en charge par les secours. Et puis l'opération Déposez vos armes continue. Hier, une habitante de l'entre-deux a ramené, tenez-vous bien, une roquette. Selon le quotidien de ce matin, la jeune femme d'une trentaine d'années a expliqué aux gendarmes que l'arme avait, semble-t-il, été conservée par son oncle ou son grand-père après le service militaire. 6h06 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Journée porte ouverte aujourd'hui à l'hôpital d'enfants de Saint-Denis. L'établissement s'est transformé il y a 10 ans en unité de soins de suite et de réadaptation. C'est pour montrer ces profonds changements que la structure gérée par l'association Saint-François d'Assise ouvre ses portes au public. Actuellement, cette structure prépare même son nouveau projet pour 2017-2021. Les précisions de Sylvain Batty, le directeur de l'hôpital d'enfants. C'est un projet qui met l'accent sur notre activité principale de soins de suite et de réadaptation qui ambitionne d'inscrire l'hôpital d'enfant pleinement dans le parcours du patient, que ce soit à La Réunion mais également au bénéfice de l'enfant de Mayotte. C'est un projet d'établissement qui met par ailleurs en exergue la nécessité de renforcer les droits et l'expression des usagers. Les usagers ont leur mot à dire dans la qualité de l'accueil, les soins prodigués, notre organisation, et nous souhaitons être le plus en adéquation par rapport à ces demandes et notamment par rapport au public maoré. À Sylvain Batty, directeur de l'hôpital d'enfants au micro Réunion Première de Johan Adamadorassi. Autre projet, une balnéothérapie pour la rééducation des troubles locomoteurs et le traitement des grands brûlés. La journée porte ouverte, c'est à partir de 14h cet après-midi. Un mot de politique, le conseil communautaire de la Synor, annulé la semaine dernière, aura lieu aujourd'hui. On en reparle avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit ce matin Gérald Maillot, président de la Synor et troisième adjoint à la mairie de Saint-Denis. Délégué à l'aménagement. Au menu également, la fin de la présidence tournante, les projets de téléphérique ou encore l'aménagement du port de Sainte-Marie. On attend beaucoup de monde à partir de ce matin au port. La halle des manifestations accueille la 11e édition du salon de l'habitat et de l'immobilier. Mais depuis 2 ans, ce salon partage l'affiche avec une autre opération, le salon de la voiture d'occasion. Entre 70 et 90 exposants sont attendus pour ces 4 jours de salon, 4 jours pour 10 000 visiteurs attendus. Jean-Christophe Debru est vendeur de voitures d'occasion. C'est un marché très fluctuant puisqu'il y a des mois qui vont être excellents, des mois moins bons. Depuis le début de l'année, on va dire qu'on est assez stable par rapport à l'année dernière. Ici, sur ce parc-là, on est entre 12 et 15 voitures par mois. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres finalement ? Alors, tout dépend. Il y a certains parcs qui sont très remplis. Personnellement, je fais une grosse sélection sur les véhicules. C'est-à-dire que je ne vends que des véhicules révisés, préparés et garantis. Je n'ai pas non plus un parc énorme. J'ai en moyenne d'entre 50 et 60 voitures. Est-ce qu'il se vend plus de voitures d'occasion actuellement avec la crise ? Non, le marché reste stable. Alors, c'est vrai que j'ai lu sur certains journaux que les ventes d'occasion légèrement augmenté comparé aux véhicules neufs. Pour moi, personnellement, c'est assez stable. Jean-Christophe Debru, vendeur de voitures d'occasion, interrogé par Hubert Debeu. Le salon est ouvert de 10 à 19 heures. Un mot de sport avec du football. La Saint-Pierroise s'envole aujourd'hui pour les Seychelles. Les Cigognes disputent la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Les Saint-Pierrois joueront 2 matchs. Le premier contre le champion de Maurice et le deuxième contre Saint-Michel, le champion seychellois. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Ce matin, Noémie Bonin. C'est un nouveau départ pour cet homme qui avait été pris en otage par les frères Kouachi en janvier 2015 dans son imprimerie de Dammartin-en-Goële. 20 mois plus tard, Michel Catalano s'apprête à inaugurer ce jeudi matin sa nouvelle entreprise en présence de François Hollande. Après l'assaut des forces spéciales, le bâtiment avait été complètement détruit. La date est confirmée, l'hommage national pour les victimes de l'attentat de Nice est prévu le 14 octobre prochain. Ce sera la première fois qu'un hommage national est décentralisé ailleurs qu'à Paris. 86 personnes avaient été tuées juste après le feu d'artifice le 14 juillet dernier. Journée d'action dans les prisons ce jeudi. Les surveillants dénoncent la dégradation de leur sécurité après notamment l'agression à Osny en région parisienne dans l'unité dédiée aux personnes radicalisées début septembre. Ce mardi encore, 5 surveillants ont été pris à partie au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe en Normandie. Le ministre de la Justice doit justement détailler le budget pour 2017 dans la matinée. Autre journée d'action ce jeudi, elle appelle cette fois des associations de retraités. Elle dénonce un pouvoir d'achat en baisse et exige une hausse des pensions. Le niveau de pauvreté augmente chez les personnes âgées. Des manifestations sont prévues un peu partout en France. Les affaires ne s'arrangent pas pour Bernard Squarcini. L'ancien grand flic est mis en examen pour une longue liste de délits présumés, notamment pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. La justice le soupçonne entre autres d'avoir utilisé son réseau au sein de la police à des fins privées pour son entreprise de conseil. L'histoire se répète encore aux États-Unis. Un homme noir non armé a été tué par la police la nuit dernière dans la banlieue de San Diego en Californie. Une manifestation s'est organisée dans la foulée devant le poste de police. Les funérailles de Shimon Peres vendredi seront suivies par le monde entier. De nombreux chefs d'État ont prévu d'y assister à Jérusalem. C'est le cas de Barack Obama, de François Hollande aussi. Le président français a également invité Nicolas Sarkozy à se rendre à la cérémonie. Shimon Peres est mort la nuit dernière, figure du monde politique israélien. Il avait 93 ans. La production de pétrole dans le monde va être limitée. Les pays de l'OPEP se sont entendus dans la soirée à la surprise générale pour réduire donc le nombre de barils. Des États qui se parlent rarement d'habitude, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, ont donc trouvé un accord. Le but, c'est de soutenir les prix du pétrole en chute libre depuis 2 ans. En foot, le PSG assure l'essentiel. Victoire 3-1 en Bulgarie face à Ludogorets. Soulagement pour les Parisiens qui prennent du coup la tête de leur poule en Ligue des Champions. Ce jeudi, c'est l'Europa League. Nice joue en Russie face au FK Krasnodar. Saint-Etienne reçoit les Belges d'Anderlecht. Sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et aux premières heures du jour, les nuages sont encore présents dans l'Est. Oui, alternance de nuages et d'éclaircies dans l'Est. Partout ailleurs, le ciel est bien dégagé et même ensoleillé aux premières heures du jour, comme tu l'as dit, Isa. Quelques ondées locales donc à prévoir encore dans l'Est, sur la région de Brapanon, Sainte-Suzanne, Saint-Philippe. Ça peut encore tomber, hein, une ou deux averses. Mais on aura aussi des éclaircies. Puis l'après-midi, les nuages vont être un peu plus nombreux dans l'intérieur et long des pentes. Aussi bien d'ailleurs celle de l'Est que de l'ouest. Le littoral ouest va voir ses nuages donc déborder sur sa côte et normalement au sud de Saint-Gilles. Donc un peu comme hier, entre la Saline et Saint-Pierre, là on devrait garder les plus belles éclaircies, les températures qui vont monter forcément sous le soleil. 29 degrés attendus notamment sur la région de la Saline-les-Bains et 28 du côté de Saint-Pierre. Et puis au volcan, il fera 16 degrés aujourd'hui avec du vent toujours qui soufflera modérément de 50 à 60 km/h sur le sud sauvage et Saint-Pierre et de l'autre côté sur le nord-est entre Saint-Denis et la région de Sainte-Suzanne, 40-50 km/h, un vent qui rentrera aussi sur la plaine des Caps. Température qui monte progressivement, tout doucement, et normalement les premières températures estivales sont attendues pour mardi prochain avec 30 degrés atteints, voire dépassés sur la côte. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on va faire tout de suite un point sur le trafic. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et Jean-Claude Machir nous attend à Sainte-Anne. Bonjour Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Temps plutôt agréable, chaussée mouillée par contre depuis Saint-Denis pour venir jusqu'à Sainte-Anne. Chaussée avec une circulation qui reste quand même assez fluide ce matin. Beaucoup de monde par contre en provenance de Saint-André pour se diriger sur Saint-Denis. Donc circulation qui reste dense mais encore roulante pour l'instant. Il en est de même si vous venez de l'ouest. Mais déjà des ralentissements juste à la sortie du viaduc de Saint-Paul. Ça commence encore très tôt ce matin. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que nous avons ces ralentissements assez conséquents pour aller en direction du port. Dans le sud, pour l'instant, pas de difficultés particulières. La circulation reste dense en provenance de Manapany pour se diriger vers le pont de la rivière d'abord et en allant vers Saint-Pierre, mais sinon ça roule encore. Les seuls ralentissements que nous avons ce matin, c'est au niveau du viaduc de Saint-Paul. Alors soyez prudents et bonne route à vous. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand Matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et bienvenue à tous, 6h15 dans Grand Matin, la matinale de Réunion Première. Et merci d'être avec nous chaque matin. Merci aussi de déposer vos armes à la préfecture. On a eu des obus. Dans les commissariats. On a eu une roquette. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez chez vous, les gens? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre les prochains jours? Cette personne a dit que c'était peut-être à son oncle, à son grand-père, ouais. Un vestige ramassé, qu'il vaut mieux aller déposer, garde passe à la case. Donc voilà, ouais. Profitez de cette opération. Ça fait quand même peur quand même, on se demande qu'est-ce qu'on a encore dans les cases. Hein. Bon. C'est pour ça qu'on fait cette opération. Déposez justement vos armes à la préfecture. Dépose. Dans les commissariats aussi. Bon, oui, c'est possible en tout cas, hein, comme on vous l'a dit sur première. Nous, on n'a pas d'armes à vous offrir, hein, ça serait un peu un problème si on en avait à vous en offrir. On a par contre des bons de 20 euros. Oui. Notamment pour aller chez Espace Fraîcheur. Exactement. Et les dépenser pour prendre des fruits et des légumes, les meilleures armes pour la santé. Et il suffit pour cela de composer simplement le 02 62 99. 2000, c'est pas plus compliqué que ça. On attend le ou la plus rapide au standard de Réunion Première. Et puis on filera aussi au cœur de la Réunion, oui. Parce qu'on se déplace sur les marchés aussi chaque matin pour tout simplement aller à la vente rencontre des Réunionnais, des Réunionnaises, être un petit peu plus proche de vous avec Prisca qui c'est sera ça, là-bas. Qui sera à Bras-Panon aujourd'hui, puisque jeudi, c'est jour de marché dans l'Est. Ouais, bah d'ici là. Oui. Si on démarrait bien la journée pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, bah ça me dit bien ça, dis donc. Ah oui. Bon réveil à tous. Oui. Bonne route si vous êtes coincé dans un embouteillage. Avec nous-mêmes sur la première. Et ça se passe avec Ségal. Ça m'aime, la Réunion. Même la Réunion. Bien sûr, vous ne déposez pas vos armes à la préfecture. Hein, c'était une façon de parler. Hein, c'est plus dans les commissariats, les gendarmeries. Mais c'est la préfecture qui a lancé l'événement. Voilà. Voilà, salut Emma. Sur le 06 92 70 2000. Parce que je vois mal ce qu'ils vont faire avec un arsenal d'armes, la préfecture. Hein. Bon, alors le préfet veut bien être armé, je sais bon, pas. Bon. Bon, allez, à tout de suite, 6h20. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous invite pour la Nuit Étoilée, une rencontre musicale afro-caraïbéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expo Bat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Première. Allez, c'est parti, on vous fait gagner vos fruits et légumes. Maintenant, là, 20 euros. Qui veut un on vous les met bon dans la poche. On est combien, le 29 septembre, on attend le salaire. On attend le salaire à ce moment-là. Pour certains, peut-être, c'est déjà le cas. Mais enfin, 20 euros, c'est toujours pas mal. Bah, ça en va plus faire plaisir, dis donc. Donc, c'est le moment d'appeler le 0262 99 2000 pour gagner vos fruits et légumes. Et je vois toutes les lignes du standard là qui commencent. Eh ben, c'est très bien. Tout simplement, à s'allumer. Mm-hmm. Allumez-en encore un petit peu plus. Allez, et on va choisir maintenant. Allez, on va dans l'ouest. Une d'entre vous. Allons dans l'ouest. Direct comme ça, on va dans l'ouest. Yes. Alors Saint-Paul. Attention, ordinateur, Saint-Paul. Voilà. Saint-Paul avec Mirella. Bonjour Mirella. Salut Mirella. Bonjour Isabelle et Mickaël. Ça va Mirella? Ça va bien, ça va bien. Bah, ça s'entend. Alors, l'année dernière, vous avez joué avec nous. Oui, tout à fait. Il fallait trouver une musique de film, vous l'avez trouvée? Oh non, pas du tout. Moi, j'ai rien trouvé. Oh. Bon. Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va vous repasser la même musique de film. Il va falloir la trouver, d'accord? Je sais maintenant. Je sais, j'ai retenu. Bon. C'était quoi? Rick Hunter. Ah, Rick Hunter. Eh ben, ça marche pour moi. C'est bien Mirella. Sauf que finalement, on va pas vouloir passer. Hein, donc, c'est pour rigoler. Le matin, c'est encore plus simple. Il n'y a pas de question. Il faut être rapide. Ah, voilà. Comme Rick Hunter, vous l'avez été. Bravo, parfait. Mirella. Le bon d'achat, valable chez Espace Fraîcheur, eh ben, il est pour vous. Merci à tous les deux. Merci de rien, Mirella. Un super gros bisou. Merci bien. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Allez, filons sur le marché. Ne vous pas non. Bon, on y va maintenant, allez, pourquoi non pas ben non. Bon, on y va quand même, allez, allez on va allons attendre Prisca. C'est parti. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. 6h22, ma chère Isa. Et oui, n'oubliez pas, Michael, petit message 70-2000, 06-92. Vous aimez grand matin, vous aimez pas. Mais en tout cas, si vous aimez, vous pouvez nous envoyer vos petits messages sur le 70-2000. Parce qu'en plus, à la clé, il y a un week-end à Silaos à gagner à la fin de la semaine. Donc dès demain, week-end à Silaos pour deux. Au Silaotsa, un 4 étoiles, le petit déjeuner, la nuit pour deux personnes. Tout ça au cœur du cirque, dans un cadre magnifique. Oh, oui. Peut-être pour vous, par SMS. Et puis vous pouvez liker aussi la page Facebook. Exactement, ça se passe sur Facebook. Donc la page Grand Matin. La page Grand Matin, GRN apostrophe Matin. Bah voilà, Prisca, elle est là. Coucou Prisca. Coucou. Comment ça va? Vous nous entendez bien? Super. Bah oui, on est très bien, bon, tout va bien. Bah écoutez, je suis allée voir Gilberte, vous savez, pour le défi avec David, hein, pour le Tijac. Jacques Battu. Bon, ouais, le Jacques Battu. Non, Gilberte a dit... C'est battu, quoi. Arrive pas, c'est battu. Pas, c'est battu. Ça, non. La prochaine fois, on va faire. Par contre, je vous présente Mauricia. Bonjour, Mauricia. Bonjour, Mauricia. Et Mauricia, avec Mauricia, c'est le rêve bleu. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce qu'elle a ramené des orchidées bleues. J'en ai jamais vu, moi, des orchidées bleues. Comment ça se fait que c'est bleu, Mauricia? C'est des orchidées blanches à l'origine qu'on a injecté un produit bleu dans les tiges et les racines, c'est-à-dire par injection et filtration. Ouais. D'accord. Donc on n'a pas, vous n'avez pas mis de la peinture sur les fleurs, hein. C'est pas bombé parce que quand c'est bombé, les boutons qui restent sur la tige reviennent du blanc. Mais celle-là, ça va fleurir du bleu automatiquement. Ouais. Et après, ça va refleurir du bleu. Parce qu'il y a les produits qui sont injectés dans les tiges et les racines. Automatiquement, c'est du bleu. Ouais. C'est rare hein, de voir des orchidées bleues. Mais c'est la nouvelle technologie en fleurs. D'accord. Donc finalement, on peut avoir toutes les couleurs avec ce procédé. Oui, mais après, voilà, il faut savoir les produits, pouvoir mettre dedans la quantité aussi. Mmh. Voilà. D'accord. Et vous avez ramené aussi un zarlore ici. Vous connaissez le sabot de Vénus? Oui. Ouais, en général, il est de quelle couleur, le sabot de Vénus, Mauricia? Il y a du marron, du bordeaux, mais là, la nouvelle, Bordeaux, c'est du vert. Ouais. Ah là, oui, là, c'est vert, Isa et Mika. Eh ben, vert. Oui, vert. Ouais. Ouais. Et combien il coûte? Oui, mais c'est une nouvelle couleur. Ça coûte combien? Moi, je fais du 25 avec le cache-pot. Avec le cache-pot. Le cache-pot est assorti avec la plante. Pour ceux qui aiment les fleurs. Et vous aurez les images sur la page Facebook de Réunion Première d'ici quelques secondes. Bon, et on les l'orchidée bleue, ça coûte combien? 25 euros également. Eh ben voilà, direction Brabant. C'est sans cache-pot, hein. Précisément. Sans cache-pot pour les fleurs. Voilà. Allez, on vous attend. Et puis tout à l'heure, dans la Coche-Jac, on va parler de la cuisine fusion. Donc si vous avez des idées à partager, venez nous rejoindre sur le marché forain de Brabant. À tout à l'heure, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on passe à l'écho. Alors que Kevin Dour, considéré comme le parrain de la cocaïne, comparé actuellement au tribunal correctionnel de Fort-de-France, coup de projecteur sur le marché de la poudre blanche outre-mer.

et une circulation qui s'est un peu densifiée sur la route du littoral avec des premiers ralentissements à la sortie du tunnel pour aller en direction du Barachois. Toujours ralenti du côté de Saint-Paul, viaduc de Saint-Paul pour aller sur le port, et puis les rampes de Plateau Caillou qui elles aussi commencent à se remplir dans la partie basse. Alors prudence et patience pour le réseau routier. Merci Jean-Claude, à tout à l'heure, 6h31. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Nouvelle perquisition à la région hier. Les gendarmes cherchent toujours des documents sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral. Il s'agit de la suite d'une enquête préliminaire qui pourrait aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire. Nous ferons le point avec Gaël Le Dantec. Ils n'ont pas beaucoup aimé l'école mais ont des idées pour créer leur entreprise. 25 jeunes vont peut-être concrétiser leur projet grâce à une formation à l'IUT de Saint-Pierre. Explication dans ce journal. Un salon, 2 ans en un pour l'habitat et la voiture d'occasion, c'est dès aujourd'hui à la halle des manifestations du port. Et puis nous parlerons en balle avec un nouvel entraîneur pour les experts. Des gendarmes de nouveau à la région mardi, c'est la suite de l'enquête préliminaire pour corruption dans l'attribution des marchés du chantier de la nouvelle route du littoral. De nouvelles perquisitions ont été menées à la pyramide inversée, Gaël Le Dantec. Le conseil régional a fait l'objet ce mardi de perquisitions et de demandes de pièces complémentaires dans les services administratifs. C'est par un communiqué que la région confirme l'enquête préliminaire ouverte en 2014 sur l'attribution du marché de la nouvelle route du littoral au groupement Vinci Bouygues n'est pas terminée. Elle pourrait même aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire. Le conseil régional l'envisage et déclare qu'il se portera partie civile si c'était le cas. On n'est donc plus dans un contrôle de routine comme le défendait jusque-là Didier Robert, mais dans le cadre d'une enquête préliminaire pour corruption et favoritisme qui fouille toujours un peu plus loin dans les dossiers de la région. En mai dernier, les gendarmes avaient mené des perquisitions chez des proches du président de la région et notamment au domicile de son épouse. En octobre 2015, une quinzaine de perquisitions avaient eu lieu au domicile de Didier Robert, chez d'autres élus à la région et au siège du groupement Vinci Bouygues. Cette fois-ci, les enquêteurs sont retournés à la pyramide inversée, chercher de nouveaux documents. La région affirme qu'elle coopère, comme elle l'a toujours fait, avec l'institution judiciaire. Gaël Le Dantec. Plus de sécurité, c'est toujours ce que demandent les étudiants sur le campus du Moufia. Lundi dernier, une jeune fille a été violée dans les douches d'une résidence de la cité U. Le suspect entendu depuis mardi a été relâché. Un autre homme, qui n'est pas un étudiant du campus, est activement recherché. La sécurité des étudiants, comment la renforcer? On y revient ce midi avec Philippe Dornier et ses invités. Ce sera le thème de C'est dans l'actu. Vos questions, vos réactions au 02 62 99 2000 dès midi 15 sur Réunion. Première. Il était tête d'affiche au Kaloubang le week-end dernier. Kalash était hier devant la cour d'appel de Paris. L'artiste martiniquais est poursuivi pour détention illégale d'armes à feu. Un pistolet 9 mm qu'il aurait acheté à un ex-gardien de la paix d'origine guyanaise, éradié de la police nationale en 2013. L'arme avait été retrouvée lors d'une perquisition chez Kalash, perquisition ordonnée dans le cadre d'une enquête pour trafic d'armes et de stupéfiants. Le 19 mai dernier, en première instance, Kalash avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis, mais le parquet avait fait appel et requis un an de prison ferme. Hier, le rappeur s'est donc à nouveau expliqué devant la justice, Tiziana Marone. Une salle d'audience comble pour Kalash, le fan club qui s'est constitué sur Facebook, était présent pour le soutenir. Je suis arrivée de Bretagne justement pour le soutenir pour cette audience. Enfin, il a tué personne et lui, il a besoin de nous en tant qu'artiste, mais nous, on a besoin de lui aussi dans notre vie en fait. Il nous apporte plein de choses quand on va le voir en concert et c'était bien important pour nous d'aller le soutenir. Devant le président du tribunal, Kalash a expliqué qu'il n'a jamais essayé de se servir de cette arme qu'il s'est procurée après avoir reçu des menaces. Pour l'avocat général, c'est une affaire de principe. Un artiste qui devrait donner l'exemple a choisi la mauvaise voie. L'avocat de la défense, lui, a souligné la notoriété de Kalash, les pressions qu'il subit, victime d'ailleurs d'extorsion sur ses cachets. Maître Eddy Arnoton. Je rappelle que c'est le parquet qui a interjeté appel et qui a sollicité en première instance son incarcération ferme. Je pense que le procureur en première instance souhaitait en faire un exemple, que cela n'a pas fonctionné et les juges de la cour d'appel, me semble-t-il, ont compris la situation. Le parquet a requis un an de prison, dont 6 mois avec sursis, un stage de citoyenneté. La décision sera connue le 26 octobre prochain. Le jugement a été mis en délibéré. Et puis à la Réunion, l'opération Déposer les armes se poursuit. Vous pouvez déposer les armes que vous avez chez vous en gendarmerie ou à la police. Et hier, surprise pour les gendarmes de l'entre-deux, une femme s'est présentée avec une roquette pour assurer la sécurité des agents. La munition a été isolée dans un périmètre spécial. Elle sera prise en charge par les démineurs. Vous avez jusqu'au 15 décembre prochain pour déposer armes et munitions aux forces de l'ordre. En bref, le conseil communautaire de la Cinor avait été annulé la semaine dernière. Il devrait avoir lieu aujourd'hui. Les élus se parleront-ils cette fois? Réponse certainement à 7h15 sur Réunion Première. Gérald Maillot, le président de la Cinor et troisième adjoint à la mairie de Saint-Denis, délégué à l'aménagement, sera l'invité de la matinale. Il répondra aux questions de Philippe Dornier. Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le système scolaire avec ou sans diplôme et vous avez une idée de création d'entreprise. Le groupement de créateurs créé par la mission locale peut vous aider à concrétiser ce projet. 25 jeunes viennent de décrocher le diplôme universitaire créateur activité, le DUCA, un diplôme qui sanctionne 7 mois de cours à l'IUT de Saint-Pierre. Reportage avec des jeunes diplômés, Pierre Komorasami. Alison, 23 ans, a quitté l'école il y a 4 ans. Titulaire d'un bac pro commerce, elle cumulait depuis les petits boulots comme vendeuse. Mais son rêve, depuis un an et demi, c'est de créer sa propre entreprise. Elle intègre donc le groupement des créateurs, puis la formation DUCA. Alison. Nous l'a appris la comptabilité, la gestion. Nous l'a appris d'avoir plus confiance en soi. La formation a permis à Alison de valider son projet, de vérifier sa viabilité et d'acquérir les compétences nécessaires à la création d'une entreprise. Et surtout, cette jeune fille, un peu timide au départ, est aujourd'hui prête à tout affronter pour réussir. On aura des points négatifs, mais de dire que même s'il arrive à où ça, abandonne pas. Daniel, lui aussi, a un bac commerce en poche. Après 2 ans de chômage, il a eu la chance de croiser la route d'un conseiller de la mission locale. Il lui a fait part de son idée de créer un site internet pour la publicité des petites entreprises et tout s'est enchaîné. J'ai connu la mission locale sud dans mon quartier, donc à Palissane, par le biais de Gilles Toplan, qui travaille à la mission locale. Il m'a fait découvrir la mission locale. En rejoignant le groupement de créateurs, Daniel a travaillé sur son projet, puis il s'est formé à la gestion à l'IUT de Saint-Pierre. Le DUCA, c'est vraiment un concentré de ce qu'il nous faut, mais vraiment pour être créateur d'entreprise, voilà, pour être entrepreneur. C'est vraiment du concret, c'est ce qui va nous servir vraiment dans notre vie d'entrepreneur. Pour un jeune qui veut créer, un jeune qui a de l'ambition, c'est très important de passer par là. Pierre Komorasami. Au port, un salon multiple ouvre ses portes aujourd'hui. C'est la 11e édition du salon de l'habitat, de l'immobilier et de la voiture d'occasion. C'est à la halle des manifestations du port. Entre 70 et 90 exposants seront présents durant ces 4 jours. Philippe Tarbouriech est l'organisateur de ce salon 2 en 1. On avait des extérieurs qui étaient un peu inoccupés. Et c'est vrai qu'ici, on a quand même pratiquement 5 à 6 000 mètres carrés d'extérieur. Donc, pourquoi pas le VO, puisqu'il n'y a pas de salon proprement dit du véhicule d'occasion depuis 10 ans. Donc, autant se positionner. L'immobilier, l'habitat, c'est important pour le Réunionnais? L'immobilier, ça a toujours été important. Le besoin de logement se fait sentir. Tout ça, effectivement, est bien dans la tradition réunionnaise. Les salons ne connaissent pas la crise. La crise vient surtout de la multiplicité des salons, d'abord, et ensuite de la non-programmation des dates. C'était Philippe Tarbouriech avec Hubert Debeu. Durant ces 4 jours, le salon sera ouvert de 10h à 19h et c'est donc dès aujourd'hui. Claude Onesta ne sera plus désormais l'entraîneur de l'équipe de France de handball. Il en devient le manager général. À un peu plus de 3 mois du championnat du monde en France, il cède sa place à Didier Dinard, qui était son adjoint jusque-là. Le Guadeloupéen sera accompagné dans sa tâche par un ancien joueur, Guillaume Gilles, en charge de la préparation physique. Le nouveau coach des experts compte apporter sa touche personnelle, tout en restant dans la continuité de Claude Onesta. Didier Dinard au micro d'Alain Rosalie. Je suis employé de la fédération depuis juillet 2013. Depuis le début de mon parcours, je pense que les résultats étaient plus ou moins cohérents. Et Claude désireux de s'éloigner du terrain, il m'incombait de choisir un entraîneur justement pour être performant et justement accompagner les résultats de l'équipe de France dans les meilleures conditions. Donc ça reste dans la continuité. Et la fédération a très bien accepté la décision, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le président et Claude même ont acquiescé justement par rapport à cette décision. Dans l'organigramme, c'est sûr que ça sera moi le A et Gino le B, mais je pense surtout que c'est l'intérêt de l'équipe de France et on est au service de l'équipe de France et l'équipe de France n'appartient à personne. Didier Dinard qui emmènera donc les Bleus pour ce mondial à domicile du 11 au 29 janvier 2017. Merci Cécile. On se donne rendez-vous à 6h50 pour les unes de la presse. Oui, mais tout ira bien. Tout va bien dans le matin. Il est 6h41 sur la première. Et le soleil, Mickaël, va finir par s'imposer. Oui, il s'imposera sur l'ensemble de l'île, même sur, si sur l'est ce matin on garde quelques nuages par endroit, mais des nuages qui ne devraient plus donner d'averse au fil des heures comme ça a été le cas cette nuit. Un ciel dégagé, donc une bonne première partie de journée. Puis cet après-midi, par contre, les nuages vont s'imposer autant sur les hauteurs de l'est que sur celles de l'ouest. Globalement, c'est l'ensemble des hauts qui sera sous les nuages, avec pourquoi pas une ou deux gouttes à l'ouest, avec un débordement possible sur la région entre la Possession et Saint-Gilles. Plus on ira au sud de Saint-Gilles, entre La Saline et Saint-Pierre, plus on retrouvera de soleil avec des températures chaudes pratiquement, hein, puisque on dépasse parfois les normales de saison. 29 degrés attendus sur les plages cet après-midi, notamment avec un peu de vent qui va bercer les côtes nord et sud. Comptez 50 km/h environ sur ces façades donc nordiques et sudistes pour cet après-midi. Les températures vont continuer d'augmenter, surtout mardi où on attend, mardi prochain, où on attend normalement des valeurs dépassant les 30 degrés sur le littoral. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Oui, Jean-Claude, il ne faut pas rire tout de suite. Hein. Sainte-Rose. Je ne vous entendais pas du tout. C'est un beau soleil ici dans la zone Est, avec un temps plutôt agréable. Alors attention, si vous êtes dans le secteur du Gol, il y a des planches sur la chaussée. La bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite ont été neutralisées. L'équipe de la direction régionale des routes est en train de dégager la chaussée. Donc cela se passe à la hauteur du Gol en direction de Saint-Denis. Ralentissement assez conséquent sur la route du Tamarin. Ça se situe maintenant déjà à la hauteur de Plateau-Caillou pour aller en direction de Saint-Denis. Beaucoup de monde aussi à l'entrée est, je vous le disais tout à l'heure, depuis la ravine des Chèvres. Alors il est vrai qu'on a installé des brises-vues. Alors est-ce que c'est cela qui provoque aussi ces ralentissements pour venir sur Saint-Denis? Mais en tout cas, vous êtes pratiquement à l'arrêt à la hauteur des deux stations-service en direction de Saint-Denis. Giratoire de la Plaine et de Bracanote, circulation l'or, c'est très fluide pour l'instant et ça coince toujours à la hauteur de Petit Bazar, mais en direction de Saint-Denis. Je rappelle que ce week-end, le 1er et le 2 octobre, la route là où je me trouve en ce moment sera fermé entre les lieux dits la Cage au Lion à Sainte-Rose et Citron-Galais à Saint-Philippe. Donc samedi 1er et dimanche 2 octobre, une déviation sera mise en place par la route nationale 3, la route des plaines, pendant la durée de cette manifestation. Prudence et bonne route à vous. Ce qui est bien avec Jean-Claude, c'est qu'il rit même quand il n'y a pas de blague. Voilà. C'est ça. Il rit tout le temps, Jean-Claude. C'est important. C'est un bon vivant. Il est indépendant dans le rire. Merci voilà. Jean-Claude. Merci, à tout à l'heure. Merci. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Oui, il y a de l'amour bah dans oui, Grand matin. Journée du cœur. Journée mondiale du cœur aujourd'hui, donc limitez le stress, faites l'amour, pas la guerre. Voilà. Allez faire du sport, ça c'est un peu plus difficile. Enfin bon, bref, préservez votre cœur, c'est la journée voilà, mondiale du cœur. Avant 7h, un calendrier de jeunes femmes féminines, belles, nues et sexy, fait le buzz. Ouais. Elles sont rugby women, ça vous rappelle quelque chose? Mm-hmm. Les dieux du stade pour les hommes. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Une des déesses du stade, une des joueuses de l'étang salé rugby club sera avec nous juste après 6h50 pour l'appel réveil. Exactement. Ouais. Alors qu'est-ce qui les a motivées, ces demoiselles, à faire ce calendrier? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises réactions? Ou alors que des commentaires positifs? On lui posera la question tout à l'heure, avant 7h. Ouais, on en parlera, et puis on aura les unes de la presse, forcément, avec à Cécile, 6h50, hein. Cécile voilà. Thomas nous rejoindra. Ouais. Et d'ici là, il est là, le Zambroquel quotidien du Lecce. Et il est question ce matin du sport. Le sport, mais spécial madame, qui est passée à la loupe. Et franchement, Mika, ça déboîte. Tous les mois, c'est le même rituel. Ghislaine y rend compte que l'abus de rougaille et de bouchon n'a un impact sur son corps. Ma fille garde mon ventre. Ah, m'y connais plus que ça faut fêter. Et son copine y répond Ali. Mais au devrait fait comme moi, ma commence la kizumba depuis un mois, mais arrête pas maigrir. Ce que son camarade Izipali, c'est que plus il ramène de moon à son cours, plus il y en a réduction au club. Hashtag marraine la gym. Aérobic, aquagym, zumba, kizumba, il connaît plus que ça faut inventer comme sport pour forme. Tous les ans, on a un nouveau, il sort. Et tout y promet à haut le même affaire. Maigrir sans trop d'efforts, pire, maigrir en s'amusant. En s'amusant. Vous avez vu le corps de notre championne de karaté Lucie Ignace? Vous avez pensé vraiment que son entraînement l'a été amusant? Que l'été saute sur place et qu'il était fait l'hélicoptère avec son bras en écoutant du Michel Tello? Non, Ghislaine, mais il est désolé. Ou transpirera peut-être, ou fera un exercice physique, certes, Mimi veut pas casse ou trêve, c'est pas rien qu'avec ça qu'on va passer du corps de Adèle au corps de Marie Payette. Et puis quand on regarde bien, ce bon sport-là, c'est plus un effet de mode, un produit commercial. L'aquagym n'a pas marge de susotte, ou devant, il ressemble toujours à la bouée de sauvetage manquante que Jacques n'aurait pu utiliser pour survivre dans Titanic. Tracasse pas ma fille, nos super coachs sportifs la inventent pour ou un tout nouveau sport qui te fera maigrir tout en écoutant les plus beaux titres de dancehall du moment, la Zumba. Inscris à ou dès maintenant et on aura un serviette de bain gratuite. Ou vois comment il fait pour attirer de Moon. Mais faut pas crash dessus, comme m'a dit, ça reste un exercice physique, il faut en faire. Hashtag manger bouger. Par contre, parle pas moins de ça comme étant la nouvelle religion que ça l'a adoptée. Attends, mais depuis que j'ai commencé la Zumba, je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus réceptive aussi, tout va mieux dans ma vie, je suis épanouie et en forme. En même temps, ma fille, vu le prix qu'on paye l'abonnement, mais en sport spécial forme, n'est encore plus fort. Zot ou pole dance. Oui, tourner autour d'une barre de striptease, c'est un sport. Et les affaires, elle est super efficace quand on voit le corps, le bentantine en question, elle est aussi musclée que Laure Manoudou à la grande époque. Tout en restant un peu féminin quand même, faut pas déconner. Mais m'y pose à moi la question, à quel moment un bougle a réussi à faire croire à son femme que cette pratique à connotation érotique était un sport? Non, parce que c'est forcément un bougle a réussi à force un tantine faire une affaire pareille. Non, chérie, mis ça pas dans un strip club pour regarder ben fille avec ben gros tété déshabillé azote. Non, c'est un sport, mon amour. C'est plus que des stripteaseurs, c'est ben sportif de haut niveau. Et les affaires l'a marché. Son tantine l'a inscrit à lit. Du coup, séance gratuite de pole dance pour le macro. Et en plus, son forme l'a maigri. En fait, quand on réfléchit bien, dès à chaque sport pour forme, Nena sans doute un gros pervers. C'est une vision. Le SJ de retour à 16h50. Pour rire, hein, dans le bon tempo, bien sûr, toujours. Et pour le dance, on ne nous cote jamais dans Grand Matin. Bah oui. Juste un peu. Non, à tout de suite. Jamais. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Première. Et dans toute la réunion, on écoute Caroline Costa avec Ailleurs. Excellent réveil, bonne journée. N'oubliez pas, hein, si vous aimez Grand Matin, envoyez de l'amour avec votre cœur. C'est la journée mondiale du cœur, ça tombe bien. 06 92 70 2000. Et bien sûr, sur Facebook. Oui, exactement. Likez la page Grand Matin. Exactement. Et pourquoi? Parce que ça peut vous rapporter gros. Oui. Des invitations pour aller au ciné, surtout participer au grand tirage au sort de demain. Week-end à Sillaos pour vous à l'hôtel Sillaos de ça. 4 étoiles. Donc likez la page fan. On n'est pas loin des 1000 fans. Donc on va les dépasser ce matin. Allez, continuez de le faire. On est parti. Chaud, c'est le défi. Les mêmes gratte-ciels qui me regardent haut. Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves. La même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, London ou Los Angeles, où que jamais mes peurs me tiennent en laisse. Seule dans ma chambre j'ai perdu le sommeil, et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener. Par mes souvenirs, et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs, je suis une enfant d'ailleurs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. des promesses, des horizons remplis d'espoir. Puisqu'ici mes peurs me tiennent en laisse, je pars, je pars. Je m'en vais. Caroline Costa avec Ailleurs. Et bah ce matin, restez ici, on est bien sur Réunion Première dans Faut Grand Matin. Pas s'en aller avec ailleurs. Les unes de surtout la presse. Pas. Et Cécile Thomas. Cécile Thomas qui est là en plus. Cécile, s'il vous plaît. On commence avec Le Quotidien qui consacre sa une à l'enquête sur la nouvelle route du littoral. Perquisition à la région. Mardi, des gendarmes ont perquisitionné toute la journée au conseil régional, écrit Le Quotidien, dans les services administratifs et un service informatique. C'est une nouvelle étape dans l'enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la NRL. Autre titre, agression à l'université, un suspect relâché, le violeur en fuite. Égalité réelle, une aide au retour pour les jeunes talents. Arnaque à la défisque, la BR doit rembourser 2 millions d'euros. Anniversaire, 3 jours de festivité au rythme du Maloya. Et puis à Trois Bassins, la renaissance du gîte des Tamarins à découvrir dans Le Quotidien. Les médicaments génériques en une du journal de Lille. Pourquoi les Réunionnais sont allergiques aux génériques, titre le GIR, 2 patients sur 10 les refusent, un comportement irresponsable selon l'assurance maladie. Autre titre, carrière de bois blanc, la qualité des roches remise en cause. Viol d'une étudiante, le suspect remis en liberté. Et puis un VTT, Absalon et Ferrand Prévost à la méga avalanche, le GIR qui annonce qu'il sera gratuit demain. Dans la presse nationale, le visage de Shimon Peres en une du journal Le Monde. Infatigable avocat d'Israël, titre le journal. L'ancien président de l'État hébreu est mort hier à 93 ans. Faucon dans les années 1970, il a ensuite été l'artisan d'une tentative de paix avec les Palestiniens. Autre titre, vif débat sur un budget 2017 de campagne, écrit Le Monde. Le gouvernement table sur une croissance de 1,5%. Le budget devrait instaurer le prélèvement à la source. Et Shimon Peres également en une de Libération. Guerre et paix, titre Libé. L'ancien président israélien, prix Nobel de la paix, est mort hier à 93 ans. Le recueillement face à une photo de Shimon Peres en une du Figaro. L'hommage d'Israël à l'artisan de la paix, écrit le journal Le Figaro qui s'intéresse aussi au budget en France. Les critiques pleuvent sur un budget 2017 insincère, écrit Le Figaro. Et en une de L'Équipe, malgré lui, Edinson Cavani. Heureusement qu'il est là, titre Le Quotidien sportif. Hier, Paris s'est imposé face aux Bulgares de Ludogorets 3-1. C'était en Ligue des Champions. Et le champion pour L'Équipe, eh bien, c'est l'Uruguayen qui a inscrit 2 buts hier. Autre titre en rugby, Nakarawa, une histoire en or. C'est à découvrir dans L'Équipe aujourd'hui. Ils ont eu du mal, hein, les Parisiens face à Ludogorets. Ça n'annonce pas des grandes choses pour la Ligue des Champions. Merci, merci Cécile. Mais si c'est trop facile. Oui, enfin bon. C'est comme la course. C'est Ludogorets, hein, c'est championnat bulgare. Hein. Et boire mon jus de citron, ça c'est facile. C'est l'heure de l'appel réveil. Exactement. Isa. Et qui est-ce qu'on réveille ce matin? Le rugby, vous connaissez. Oui. Mais est-ce que vous saviez jusqu'à il y a quelques jours qu'il existait au féminin La Réunion. Non. Un calendrier sexy et tout en beauté. Ouais. Féminine a fait le buzz pour valoriser le rugby féminin, justement, et les temps salés rugby club. Mais quand les dieux du stade peuvent faire du nu tranquille, les déesses du stade, elles, doivent s'expliquer. C'est ça. Et on a Evelyne, joueuse de l'étang salé, qui est avec nous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, à la base, c'était pour marquer et valoriser le rugby féminin. Puis il y a eu un débat sur ce qu'il fallait faire, du nu ou pas. Vous répondez quoi aux gens qui disent que ça ne valorise pas la femme? Je réponds quoi aux gens qui vous disent que ça ne valorise pas la femme? Je leur réponds que pourquoi est-ce que l'homme a le droit de faire des choses que les femmes n'ont pas le droit de faire? C'est tout à fait ça. Mais les commentaires d'internautes, ça a dû vous blesser un peu, non? Certains commentaires, je veux dire. Certains commentaires sont agressifs, oui, mais on était préparés, donc on l'a pris avec énormément de recul et on s'est dit que les gens sont pathétiques. Alors justement, Evelyne, on a beau être préparé, est-ce que malgré tout, au début, lorsque le projet de faire ce calendrier avec vos coéquipières est né, est-ce que certaines, justement, ont préféré demander bien d'abord l'avis des proches, voir un petit peu avec éventuellement s'il y a un copain, la famille, pour justement, même si après les critiques arrivent, bon bah comme ça, on se laisse pas trop déborder par ce genre de commentaires? Ça s'est fait en cours de route parce qu'à l'origine, quand on a eu le projet du calendrier, il n'avait jamais été question de faire du nu. Ouais. C'est un calendrier pour mettre la féminité et le rugby en avant. Ouais. Mais on n'avait pas, enfin, à ce moment, au moment de l'élaboration de cette idée, on n'avait pas mis, on voulait pas faire ce titre, enfin, cette couverture, tout n'était pas, c'est avec le professionnel qu'on a décidé ensuite de faire une couverture qui ferait le buzz. Et c'est là que les filles, enfin, je pense que les filles chez elles, on en parlait avec leur leur famille, mais ça s'est fait. Enfin, ça s'est fait au fur et à mesure, sans qu'il y ait vraiment de questions qui se soient posées. C'était presque devenu naturel. Et alors, toutes les jeunes rugby women ont dit oui tout de suite, ou il y a eu quand même des réticences? Il y a eu des réticences. Non, toutes elles ont dit oui. Ouais. Au moment, enfin, dans les vestiaires, après, une fois devant l'appareil, on a eu des remarques. Waouh, wow, jamais j'aurais pensé faire ça. Ouais. Ben, j'imagine. Mais, mais c'était naturel. Mais poser des questions. Avant. Poser nu comme ça, ça a dû être difficile quand même pour quelques femmes. C'est pas facile de voir un objectif. Pour toutes. Pour toutes, j'imagine, même pour vous. Enfin, l'équipe, on était toutes ensemble et on s'accrochait les uns aux autres en disant bon, ma collègue. Ben, c'est pour ça que vous êtes. Oui, c'est pour ça que vous êtes assez serré sur le calendrier. On vous voit quand même. Exactement ça. On voit, c'est serré. On fait rentrer tout le monde. Quel est le niveau du rugby féminin à La Réunion? Parce qu'on comprend pas. Forcément, il y a des gens qui ne connaissent pas. Combien il y a d'équipes? Alors, cette saison, on doit avoir 5 ou 6 équipes. Ouais. Et c'est du rugby à 7 à La Réunion. Ah, et, donc, ça reste un niveau régional. On a une compétition. C'est un championnat qui débute en mars, où là les équipes s'affrontent pour le titre régional, et la meilleure équipe, jusqu'à présent, la meilleure équipe va en métropole, et en ce moment il y a une réflexion d'une sélection de La Réunion. Alors ce calendrier c'est aussi pour récolter de l'argent, surtout? Surtout, la première idée, c'était de récolter de l'argent pour nous permettre de participer à un tournoi à Maurice. Mmh. On avait une invitation des Mauriciennes pour un tournoi de la zone Afrique, qui rassemblait Maurice, Afrique du Sud, Mada, nous. Et on est un petit club, pas énormément sponsorisé. Et du coup, avec tous les licenciés, on ne peut pas se permettre toute section de voyager comme ça. Donc, il a fallu. On imagine. Et est-ce qu'il vous manquait d'effectifs aussi, peut-être? Parce que c'est ça aussi, certainement. La saison maintenant, voilà. Et puis, en fin de saison, on termine. Enfin, ça a été dur toute la saison de tenir avec toutes les filles. On a eu entre les blessés, les perdus de vue. C'est dur. Donc, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Il faut venir voilà. Découvrir, surtout. Le rugby féminin. De casser ce préjugé du rugby. C'est pas pour les hommes. C'est pas pour les hommes. Ouais, c'est pas pour les hommes. C'est pour les femmes. Et le buzz, il a fonctionné là ces derniers jours. Est-ce que sur votre page Facebook, par exemple, le nombre de fans a augmenté? Alors, ça c'est bien vendu, la première question, oui, on le vend bien. Oui. Et pour les recrutements, hier on a eu une demande d'une première, et je la remercie, fille qui nous a demandé de venir à l'entraînement lundi. Ah bah parfait, très bien. Et puis il y a de plus en plus de fans du rugby féminin, a priori, d'après ce qu'on a vu sur votre page. Ça c'est bien. On peut vous voir quand à l'entraînement en match, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps? On peut vous voir quand à l'entraînement en match? Le 17 octobre. L'entraînement jeudi, le lundi et le jeudi est en salé. Et le 17 octobre, il y a un match, il y a un tournoi de rugby à 7. Je ne sais pas encore où, mais on le mettra sur notre page. Et vous savez ce qui vous reste à faire maintenant? Eh bien, c'est d'aller les voir, ces jeunes femmes qui jouent au rugby. On attend une photo spéciale, une petite vidéo pour grand matin, hein, Evelyne, de vous à l'entraînement ou en match. Vous le faites sur notre page et puis vous pouvez gagner le calendrier ce matin. Ah bah super. Ce calendrier justement des jeunes joueuses de l'Étang Salé Rugby Club. Voilà. Vous envoyez DS au 70-2000 et vous aurez peut-être le calendrier. Merci Evelyne. Merci. Jean-Claude, vous êtes à Piton-Sainte-Rose. Oui, toujours du côté sud, Piton-Sainte-Rose, avec une chaussée plutôt agréable et une circulation qui reste encore fluide.

Christian Daffreville, l'entraîneur de la Saint-Pierroise, interrogé par Laurent Josse. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, Noémie Bonin, ce qui fait l'actualité, c'est la réouverture de l'imprimerie de Dammartin en Gouëlle. L'imprimerie de Dammartin en Gouëlle va rouvrir ce jeudi matin. Inauguration organisée en présence de François Hollande, 20 mois après la prise en otage de son patron par les frères Kouachi. C'était le 9 janvier 2015. Après l'assaut des forces spéciales, le bâtiment avait été complètement détruit. L'Élysée a fixé une date pour l'hommage national en mémoire des victimes de l'attentat à Nice le 14 juillet dernier. Ce sera le 14 octobre, c'est confirmé. L'annonce est faite dans le journal Nice Matin ce jeudi. Ce sera 3 mois jour pour jour après l'attaque sur la promenade des Anglais qui avait fait 86 morts. Plusieurs prisons en France pourraient être bloquées ce jeudi. C'est une journée d'action des surveillants. Ils dénoncent une dégradation de leur sécurité, notamment après l'agression de 2 gardiens dans l'unité dédiée aux personnes radicalisées à Osny début septembre. Le budget de la justice doit justement être détaillé par le ministre dans la matinée. Un budget en hausse pour 2017. Les retraités également se mobilisent ce jeudi. Leur syndicat demande une hausse des pensions. Elles n'ont quasiment pas bougé depuis 3 ans. Résultat, le pouvoir d'achat des retraités est en baisse. Des manifestations sont prévues dans de nombreuses villes en France. Après 48 heures de garde à vue, Bernard Squarcini a été mis en examen ce mercredi. Il est reproché à l'ancien numéro 1 du renseignement intérieur d'avoir utilisé ses contacts dans la police pour son propre intérêt, pour gagner de l'argent avec sa nouvelle entreprise de conseil. L'avocat de Bernard Squarcini a indiqué que son client avait reconnu les faits en garde à vue, mais qu'il les minimise. La tempête tropicale dans les Antilles fait des dégâts. En Martinique, 50 000 foyers étaient privés d'électricité dans la soirée. Des pluies fortes avec du vent traversent l'île depuis ces dernières heures. L'île est passée en vigilance rouge. La préfecture de Martinique maintient les établissements scolaires fermés pour aujourd'hui. La Russie se dit prête à continuer de travailler avec les États-Unis à propos de la Syrie. Les Américains avaient menacé Moscou d'arrêter tout dialogue si les Russes ne stoppaient pas les bombardements sur Alep. L'ONU qualifie de crime de guerre les derniers raids sur 2 gros hôpitaux dans la partie rebelle de la ville martyre. Israël se recueille en hommage à l'ancien président Shimon Peres, mort la nuit dernière. Vendredi, de grandes funérailles sont organisées à Jérusalem. Plusieurs chefs d'État ont déjà indiqué qu'il serait là. C'est le cas de François Hollande. Il a invité Nicolas Sarkozy à venir aussi. Barack Obama également a prévu de participer, tout comme Bill Clinton, l'ancien président américain. Pas de mauvaise surprise en Bulgarie ce mercredi soir pour le PSG. Victoire 3-1 face à Ludogorets en Ligue des Champions. Les Parisiens prennent la tête de leur poule à égalité de points avec Arsenal, victorieux également 2-0 face à Bâle. C'est 7h13 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Bah c'est un beau début de journée, ça, Mickaël. Oui, plutôt pas mal. Quelques nuages qui traînent quand même dans l'Est et qui ont donné des averses, notamment cette nuit. Mais globalement, c'est une impression de beau temps qui domine sur le département ce matin. Cet après-midi, ça va être un petit peu plus gris, hein, tout de même sur les hauts. Notamment les hauteurs de l'Ouest et débordements, nuages possibles entre le port et la région de Saint-Gilles. Puis on ira vers le Sud-Ouest, entre la Saline et Saint-Pierre. Plus on trouvera de belles éclaircies, températures qui sont plutôt en hausse. Isa, ce matin, on aura jusqu'à 21 degrés au port et à Saint-Gilles. Et cet après-midi, on montera quand même encore à nouveau jusqu'à 29 degrés avec du vent sur le Nord-Est. 29, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ah bah c'est bien, ouais, ça annonce l'été progressivement. Eh ben c'est bien. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude Machir est à Sainte-Rose. Oui, c'est dans un petit quart d'heure que vont commencer les travaux du côté du port. Alors, entre les ronds-points des danseuses et la rue Simon-Ternic sur le boulevard des Mascarennes, ce sont des travaux d'ouverture de chambre avec une circulation qui sera alternée à la hauteur de ce chantier. La plus grande prudence est recommandée. C'est un chantier qui devrait durer jusqu'à 16 heures. À Saint-Leu, là aussi, je le rappelle, dans le secteur collé Kélonia, le chantier est déjà en place. Il y aura un alternat qui sera mis en place d'ici une petite demi-heure. On vous recommande la plus grande prudence aussi à la hauteur de ce chantier avec une vitesse qui sera limitée à 50 km/h. Côté circulation, ça reste toujours inchangé, à l'exception de la route du littoral où vous êtes maintenant à la hauteur de la Possession au PR11 pour aller en direction de Saint-Denis avec des zones roulantes jusqu'à la Grande Chaloupe et ça coince au niveau du radar pour venir toujours en direction de cette. Tout aussi nombreux dans l'Est, giratoire de la Plaine et de Bracanote, la circulation s'est densifiée. Et il en est de même toujours dans le secteur de Petit Bazar, la commune Caron, pour aller en direct de Saint-Denis. Et on vous recommande vraiment de la plus grande prudence et surtout rendez-vous de patience, car sur la route du littoral, ça coince énormément. Bonne route à vous. Inforoute vous a été proposée par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Beaucoup de courage à vous, hein. Comme tous les matins, on vous le répète et on le dit dans Grand Matin, c'est l'invité qui arrive à 7h16, Gérald Maillot, président de la Sinor, troisième adjoint à la mairie de Saint-Denis, délégué à l'aménagement. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors imaginez, comme tous les jours, vous vous levez à 7h. Non, 11h. Oui, 11h. Et vous quittez votre lit. Moi, Mac. Puis, vous allez vous baigner. Oh là, pas le temps. 13h, réception de la Formule 1, 17h de mon yacht et 18h de mon avion. Avec tous mes copains dedans. Euromillions My Million, imaginez, 130 millions d'euros minimum à Euromillions. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. C'est 7h17 dans Grand Matin, c'est l'heure de l'invité de Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Pour nous suivre sur internet et en radio, Gérald Maillot est arrivé, il est président de la Sinor, troisième adjoint à la mairie de Saint-Denis et conseiller départemental. Gérald Maillot, bonjour. Bonjour, bonjour, merci pour cette invitation. Nouvelle perquisition à la région avant-hier. La collectivité a communiqué elle-même sur cette nouvelle étape de l'enquête sur l'attribution des marchés de la NRL, enquête préliminaire pour corruption et favoritisme. Une réaction sur ce dossier ? Une réaction, certes, mais toujours difficile de réagir sur ce genre de dossier qui reste encore quand même très confidentiel au niveau de la justice. Mais nous espérons que tout cela ne va pas freiner les travaux sur la route littorale puisque le chantier est engagé. Il faut le finir maintenant. Et la région dit qu'elle communique dans la transparence sur ce sujet. Vous êtes d'accord là-dessus ? Ce qui est tout à fait normal, hein. Plus largement, pour construire cette nouvelle route du littoral, il faut évidemment ouvrir des carrières. En tout cas, c'est les besoins de roches massives. Personne n'en veut à côté de chez lui, d'une carrière. Par contre, les grands groupes se déchirent pour obtenir ce marché juteux. Est-ce que c'est vraiment transparent ? De toute façon, là, c'est pareil, hein. Il faut les galer pour continuer à ce chantier. Peu importe qui obtient la grosse part du gâteau, l'essentiel c'est que demain les carrières puissent être ouvertes en toute transparence aussi et qu'on puisse là continuer ce travail, donner du travail aux entreprises réunionnaises. Et qu'est-ce que vous dites aux riverains qui n'en veulent pas ? Je le comprends parfaitement. Hein. Tout d'un coup, votre tranquillité qui est bouleversée par une musique de moteur de camion, c'est de ne pas être trop agréable, mais on n'a pas le choix. Là, à La Réunion, peu d'endroits ne sont pas habités aujourd'hui. Mais d'une façon ou d'une autre, il faudra des carrières, c'est ce que vous dites. Il faudra des carrières, ils ne vont pas tomber du ciel, ces galères. Et les carrières de l'Est, Dioré, Mansiol, Hermitage, est-ce qu'elles sont écartées ou pas ? Pas du tout. Je pense que de toute façon, là où on pourra demain récupérer les galets, il faudra y aller, il ne sera jamais trop. Alors, est-ce que la Sinor a un rôle à jouer dans ce dossier ? Pas du tout. Pas de rôle à jouer. Les élus de la Sinor, ils se réunissent aujourd'hui, cet après-midi, un conseil communautaire qui n'a pas pu avoir lieu jeudi dernier, puisque Jean-Louis Lagourgue a quitté la séance, suivi par ses alliés de Sainte-Marie, de Sainte-Suzanne, des élus qui ne digèrent toujours pas que vous mettiez fin à la présidence tournante. Ça va durer combien de temps, comme ça ? Bon, vous avez pu vous en rendre compte, de toute façon, il s'agit à chaque fois d'un retard d'une semaine quand le quorum n'est pas atteint en première séance. Je pense que la population attend de nous aujourd'hui que nous travaillons, et je ne pense pas que la population soit soucieuse de qui est président de la séance. Ce qui compte, c'est que les projets sortent, qu'ils sortent dans un délai très court, puisque sur certains projets, nous sommes très en retard, voire nous sommes dans l'urgence, notamment sur le déchet ou sur le déplacement. Quand vous êtes devenu président, vous êtes engagé à passer le relais au bout de 2 ans, c'est ce que faisaient vos prédécesseurs. Pourquoi ne pas respecter cette parole donnée ? C'est ce que faisaient mes prédécesseurs, mais ce n'est pas ce dont je me suis engagé. C'est ce qu'ont cru comprendre, en tout cas, tous les autres. Il ne faut pas rester dans ses habitudes. Pourquoi il ne faut pas rester dans ses habitudes ? Aujourd'hui, ça fonctionnait très bien jusque-là. Ben, au regard de l'extérieur, ça a pu fonctionner très bien, effectivement, jusqu'à maintenant, mais il faut savoir que la composition même du conseil communautaire n'est plus la même que ce qu'elle était avant 2014, puisque aujourd'hui, les élus de l'opposition des conseils municipaux siègent au conseil communautaire. Alors que la composition a changé, donc on ne peut pas dire que c'est comme avant. Plus rien n'est comme avant, et les projets même qui arrivent n'est plus comme avant. La loi NOTRe a modifié, nous donne beaucoup d'opportunités avec des transferts de compétences vers notre collectivité. Et pour moi, la continuité dans la présidence a tout son rôle à jouer à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous la jouez perso, que cette présidence de la SINOR vous servira bientôt de tremplin pour d'autres ambitions ? Ah, les ambitions politiques, beaucoup en ont, mais moi j'en ai pas plus que ça. Hein. De toute façon, les ambitions politiques, ça reste qu'au stade du rêve. C'est au moment des élections, d'être dans l'action. Mais pour l'instant, moi en tous les cas, j'ai aucune ambition politique, hein, que ce soit sur les législatives ou les sénatoriales, c'est-à-dire les échéances les plus proches. Vous dites que ça reste au stade du rêve. Certains passent du rêve à la réalité. C'est arrivé pour certains. Les législatives, vous n'y pensez pas du tout ? Pas du tout. Mais pas du tout, parce que pour la simple raison, la mission que j'ai à la SINOR aujourd'hui avec les élus qui m'entourent, c'est une mission importante avec des projets très importants pour la Réunion. Et je considère que partir sur d'autres mandats, ce serait aller vers la dispersion. Et on a besoin d'être concentré et de consacrer le temps nécessaire au succès de cette mission. Est-ce que c'est la difficulté de la tâche qui vous fait peur ? Parce que député sous les couleurs socialistes, enfin candidat en tout cas aux législatives sous les couleurs socialistes, ce ne sera pas forcément une sinécure dans quelques mois ? Mais pas du tout. En 2012, il y a bien eu des candidats de droite de Sarkozy qui ont été élus députés, alors que ça allait au plus mal aussi pour lui. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir des candidats qui en veulent, qui ont des bons programmes pour la Réunion, de bonnes intentions pour la Réunion, et la meilleure campagne gagne. En tout cas, il n'y a pas eu de candidat à la Réunion élu en faveur de Nicolas Sarkozy. Eh ben oui, parce que le travail n'a pas été fait comme il le fallait, c'est tout. Hein. Les maires de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne, ils vous reprochent aussi de privilégier les dossiers de Saint-Denis. Est-ce que vous avez des exemples qui prouvent le contraire ? Mais pas du tout. Il n'y a qu'à regarder les conseils communautaires, vous allez voir que c'est totalement faux. Ça ne tient pas la route. Hein. Aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de projets ont été réalisés, que ce soit Saint-Denis, Sainte-Suzanne ou Sainte-Marie. Et si demain, on devrait orienter une grosse partie de notre budget SINOR, de la SINOR, je ne parle pas d'une commune, je parle de l'intercommunalité, cela devrait aller plus vers l'Est, c'est-à-dire vers Sainte-Suzanne, puisque c'est là où il y a de la disponibilité foncière. C'est là où on peut faire des projets pour remonter les flux et éviter que Saint-Denis continue à s'asphyxier. C'est là où on peut faire des projets pour éviter que les gens de l'Est, de Saint-Benoît, etc., aient vraiment tous besoin de descendre vers Saint-Denis ou d'aller vers l'ouest demain. Ça veut dire qu'on cherche surtout à loger les gens du Nord sur Sainte-Suzanne, Sainte-Marie ? Il ne s'agit pas seulement de logement, il s'agit d'aménagement en général, dans sa généralité, du développement économique, de la création de l'emploi, du logement, effectivement, des structures culturelles. Ce que dénonce aussi Jean-Louis Lagourgue, c'est la situation financière qui se dégraderait à la SINOR. La collectivité serait passée de 20 millions d'euros d'épargne net à 3 millions, de 20 à 3 millions. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Si quelqu'un aujourd'hui peut me citer une collectivité où la situation financière ne se dégrade pas, chapeau, puisque tout le monde est au courant que suite aux diminutions des dotations de l'État, toutes les collectivités ont perdu de l'argent. Nous devions normalement perdre, en 2017 10 millions d'euros. Nous en avons déjà perdu 11 millions cette année. Donc c'est normal que ça se dégrade, mais je ferai remarquer quand même que c'est un dossier qui va passer ce soir en conseil communautaire, que nous avons pu dégager 13 millions du fonctionnement pour passer à l'investissement. C'est ça qui est remarquable à l'heure où les entreprises nous attendent en matière d'investissement. Alors, il y a quand même des dossiers qui sont retardés. On a vu notamment la question des projets de téléphérique, de télécabine sur Saint-Denis être repoussés d'un conseil communautaire à l'autre. Quand est-ce que ça peut se concrétiser et est-ce que ça va l'être ? Ça va l'être. On va concrétiser ce dossier très rapidement. Quel projet concrètement Nous prenons une semaine de retard, mais je peux dire un mot très rapidement sur le projet de téléphérique. Hein. Nous allons être en comité de pilotage dans la semaine prochaine, où le bureau d'études va nous faire un rendu de son avant-projet. Et les élus et les services vont le valider ou amender. Mais en tous les cas, le projet de téléphérique, il avance très bien. Début du chantier, quand ? Début de chantier fin 2018, début 2019. Pour une livraison fin 2019. Vous nous parlez 2020. Là du tronçon Chaudron-Bois de Nèfle ? Chaudron-Bois de Nèfle. Via le Moufia, c'est ça ? Via le Moufia. Alors je rappelle que c'est un projet innovant et le faire avancer aussi rapidement n'est pas donné à n'importe quelle collectivité. Et notre collectivité s'ignore avec notre administration, mais il met vraiment du sien. Certes, je regrette ces petits retards pris et cette incompréhension, parce que les choses se mélangent un peu, mais je suis persuadé que l'ensemble des élus de la collectivité y adhèrent fortement à ce mode de déplacement. Est-ce que les Dionysiens vont y adhérer ? C'est la question, parce que l'enquête faite auprès du public pour savoir comment ils se déplacent, elle est faite alors que les études progressent également en parallèle. Est-ce qu'il ne fallait pas la faire avant ? Les gens n'aiment pas trop le changement. On l'a vu avec le réseau Citalis. Absolument, on voit aussi sur la route du littoral. Sur tous les projets, c'est normal, c'est humain, c'est normal, mais nous devons absolument faire des projets. Faire des projets nécessaires pour le développement de notre société et prendre nos responsabilités face à ceux qui ne sont pas d'accord. Pas peur que les cabines soient vides ? Ah ben, jamais. Jamais. Moi, j'imagine quelqu'un dans sa voiture un jour, deux jours, un matin, deux matins, et qui voit les cabines qui traversent au-dessus de sa tête. Ça peut être tentant de prendre le téléphérique. Et on survole des quartiers, des maisons. Il n'y a pas de problème de ce côté-là ? On survole des quartiers, mais on ne survole pas des maisons, tout en sachant que la loi aujourd'hui nous autorise à survoler des habitations. Mais nous évitons au mieux de faire cela, en sachant que les cabines peuvent être floutées, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion visuelle. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gérald Maillot. Bonne journée. C'est moi. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Gérald Maillot, président de la Signeur 3e adjoint à la mairie de Saint-Denis, conseiller départemental, une interview à retrouver à 13h30. Un excellent réveil. La Réunion, bonne journée avec nous. Vous êtes sur Première. Angoune et Florent Pagny en duo. Nos vies parallèles. J'ai besoin de faire un break. Je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. De chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi,

Docteur Denis Verhulpen, neuropédiatre, interrogé par Johan Adama Dorassi. Et le public sera accueilli à partir de 14h. Au port, un salon multiple ouvre ses portes aujourd'hui. C'est la 11e édition du salon de l'habitat, de l'immobilier et de la voiture d'occasion. C'est à la halle des manifestations du port. Présentation avec Hubert Debeu. Le 2 en 1, Philippe Tarbourièche, l'organisateur, connaît bien désormais. Le salon de l'habitat et de l'immobilier est depuis 2 ans indissociable du salon de la voiture d'occasion. Et ça tombe bien, puisque l'un comme l'autre passionne les Réunionnais, ça rentabilise aussi. Ça nous permet d'avoir un visitorat un peu plus important. Et ma foi, on avait des extérieurs qui étaient un peu inoccupés. Pourquoi pas le VO, puisqu'il n'y a pas de salon proprement dit du véhicule d'occasion depuis 10 ans. Durant 4 jours, 70 à 90 exposants vont proposer toutes sortes de mobilier, de voitures d'occasion. Une 10aine de milliers de visiteurs sont attendus. Les vendeurs de voitures veulent éclaircir leur stock. C'est important d'être là. Jean-Christophe Debru est le gérant d'un parc d'occasion à la Possession. Oui, c'est important parce que ça permet à la fois donc d'exposer des véhicules, bien sûr les vendre. C'est un marché très fluctuant puisqu'il y a des mois qui vont être excellents, des mois moins bons. Difficile de connaître les chiffres du marché de l'occasion. On sait en revanche que les parcs sont remplis, que les voitures généralement sont saines et récentes. Ce qu'il manque visiblement, ce sont les véhicules pas chers. Il y a du choix. Alors après, il y a une gamme de prix qui est très difficile à trouver, qui sont les véhicules entre 3 et 5, tout en voulant garantir le véhicule, donc, parce qu'après on tombe sur des véhicules qui ont beaucoup de kilomètres. Et la gamme aussi, on va dire 6, 8. Le salon ouvrira ses portes ce matin à 10h jusqu'à 19h et ce sera comme ça jusque dimanche. Un reportage d'Hubert Debeu, la maison et la voiture d'occasion, c'est donc au port dès aujourd'hui. Bah merci Cécile. Merci Cécile. On ira certainement prie. D'ailleurs. À demain. À demain. Bonne journée Cécile. Merci, bonne journée. Ça va Cécile. Bien se passer. Tout va bien Cécile. Il est 7h41 sur la première. On dit ça parce que c'est pas toujours facile tous les matins. Hein. Bah oui, ça peut arriver. On va. Les footballeurs, quoi, la fête. Et pour les footballeurs aussi. Eh oui, elle veut notamment. Plus partir maintenant. Allez, bye Cécile. Bye Cécile. Bye bye. Ah là là. Et en plus, le ciel est encore bien bleu aujourd'hui. Nickel. Oui, bleu, c'est la couleur dominante de cette journée de jeudi, avec quelques taches blanches quand même dans le ciel de l'Est. Partout ailleurs, c'est du beau temps qui s'impose. En cours de journée, quand même, des nuages vont s'installer sur les hauteurs, notamment celles de l'Est et de l'Ouest. Et pourquoi pas déborder sur le littoral vers le port ou encore vers Saint-Gilles. Au sud de Saint-Gilles, entre la Saline et Saint-Pierre, vous bénéficierez des plus belles périodes ensoleillées. Il va faire presque chaud, avec 29 degrés attendus sur la côte ouest et 16 degrés au volcan, températures qui vont grimper encore. Et certainement que mardi, on aura même des températures estivales. Voilà l'été, hein, comme nous le dit Valérie, sur 79 000. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et Jean-Claude à Sainte-Anne. Oui, sur la Nationale 2, avec des travaux et d'aménagement d'un nouveau giratoire juste au niveau de la gendarmerie et un bus scolaire donc qui provoque de gros ralentissements puisque la chaussée a été rétrécie et supprimé les parkings qu'il y avait sur cette Nationale, ce qui vous fait que vous êtes bloqué bien avant l'église de Sainte-Anne en direction de Saint-Benoît. Donc il faut vous armer de patience le temps que les marmailles montent dans le bus. Circulation qui reste toujours aussi dense en provenance de la Possession puisque nous sommes toujours au niveau du PR11 pour aller en direction de Saint-Denis et ça commence aussi à coincer en provenance de l'Est avec des ralentissements au niveau de la ravine des Sèvres en direction de Sainte-Marie. Sainte-Marie, le pont de la rivière des Fluides à Technopole, le boulevard sud lui aussi se remplit, le pont Vincennes est rempli de moitié en direction de Belle-Pierre, beaucoup de monde aussi pour aller en direction de la route du littoral en partant du pont Pasteur vers le Barachois. Et dans le sud, nous avons nos ralentissements qui ont commencé bien avant le giratoire de la Catherine en direction du pont de la rivière d'abord. Les zones industrielles, zones 2 et 3, toujours ces ralentissements sous les bretelles de sortie pour accéder à ces différentes zones de circulation. La plus grande prudence est recommandée donc dans le secteur. Et la pluie commence à tomber ici du côté de Sainte-Anne. Chaussée donc qui sera glissante. Prudence et bonne route à vous. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et merci de vous être réveillé avec nous ce matin. Oui. Merci à Gilda Duport. Oui. Joyeux anniversaire à son frère Johan. Merci à tous les anonymes qui nous envoient des petits messages comme ça. Merci pour la bonne humeur. On se dit tous merci. C'est la journée mondiale du cœur. Pas du merci. On s'aime tous. Mais ça marche avec. On s'aime tous. Oui. On s'aime tous. Et si vous voulez rejoindre la communauté Grand Matin, c'est simple. Vous êtes sur la fanpage, notamment de Facebook, à être 998. Vous serez peut-être 1000. 998. Vous serez peut-être 1000. 1000 j'aime. Peut-être avant 8h. C'est ce que l'on vous demande, hein, tout simplement, d'envoyer un petit like, comme ça, si vous l'aimez, la page. On embrasse Frédéric, like. Par exemple, qui est avec nous. Bah oui, Othé, il envoie un message grand matin. Ça nous fait super plaisir. Fanpage, on va dépasser les 1000 ce matin, à condition d'aimer la page. Et pourquoi aimer la page? Parce qu'en plus, ça vous fait gagner des cadeaux en fin de semaine. Un week-end à Sillaos, à l'hôtel Sillaos, à l'hôtel 4 étoiles, une nuit de prestige au cœur du cirque. Bref, un week-end de détente. Super, avec votre amoureux, votre amoureuse, comme vous voulez. Vous allez à l'hôtel, on vous y envoie, et c'est avant 8h aussi, on vous enverra au cinéma. Exactement. Pour aller voir Radin. Avec Danny Boone. Avec Danny Boone. Qui a 248 000 euros sur son compte, mais c'est pas assez. Il faut encore faire des économies. Oui. Radin. On fera une sélection par SMS au 72 000 ou sur Facebook, parmi tous les j'aime que vous nous aurez envoyés. Alors continuez. Voilà. 06 92 72 000 et fanpage. Grand matin. Je suis prête pour l'amour en stéréo. J'étais comme un robot au cœur de femme vivo. J'étais comme un robot au cœur de femme vive. Dis-moi que toi aussi t'en as envie. My one love. Dis-moi que tu veux que nous marions nos deux vies. My one love. Dis-moi que toi aussi t'en as envie. My one love. Je n'ai plus peur de partager ma vie. Nous voici mêlés pour rêver plus haut. Sur le même bateau, navigue, dessine les lignes scintillées de nos vies. Si l'orage crie, nous nous tiendrons chaud la pluie. C'est la vie, allons vers l'éclaircie, rejoindre nos mains, nos lignes. My one love, dis-moi que toi aussi t'en as envie. My one love, dis-moi que tu veux que nous marions. Je dis merci. Ces histoires m'ont préparé pour l'histoire qui m'a donné un jour l'envie d'être en confiance et de m'ouvrir à l'amour. D'être en confiance et de m'ouvrir à l'amour. Oh là, dis-moi que toi aussi t'en as envie. Oh là, dis-moi que tu veux que nous marions. Tu veux partager ma vie? On s'est quitté avec 998 fans sur la fanpage. Et on se retrouve avec 1005. Mais voilà. Eh ben ça y est, on a dépassé les 1000. Merci. Vous êtes extraordinaire. La communauté Grand Matin. C'était mon One Love sur Première. À tout de suite. Première. 19h, 20h. Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message mon chéri, à qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, on le roule, c'est galé. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Ce vendredi, jackpot Euro Million de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez. FDJ, à partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Première. Alors le Galaxy Note 7 n'en finit pas de faire des siennes. Ah oui, ça c'est un téléphone. Et Samsung est dans un embarras. Non. Ben, c'est la psychose autour de Samsung en ce moment. Les commérages du geek. Ouais, en fait, Galaxy Note 7 c'est une bombe, c'est pas un téléphone. Ah bon? Oui, quasiment. Ça pète. Il peut exploser, oui. Oui. En effet. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et Connect Première et Pascal Réseau nous en parlent. Là maintenant, on y va. Connect Première. Bonjour, ça y est, le Galaxy Note 7, nouvelle version, est donc disponible en Corée du Sud depuis quelques jours et promis, la nouvelle batterie de remplacement ne présente plus de risque d'explosion. Seulement voilà, dans la série quand ça veut pas, ça veut pas, voilà que les nouveaux possesseurs de ce nouveau téléphone, nouvelle version pour le moment disponible uniquement en Corée, se plaignent d'un problème de surchauffe et estiment qu'il ne tient pas la charge. Dans un pays où Samsung était devenu une icône de fierté nationale, les déboires du géant de l'électronique commencent à lasser. La chaîne de télé YTN, qui est en quelque sorte France Info en Corée, a même consacré un reportage sur le sujet, alors que Samsung, de son côté, parle de cas isolés, n'ayant rien à voir avec les nouvelles batteries. Seulement voilà, force est de constater que le Galaxy Note 7 est donc devenu un appareil maudit. Et forcément, il est scruté plus que de raison par ses propriétaires et toute réaction de l'appareil, anormale ou non, inquiète. Trop tôt pour dire s'il s'agit d'un nouveau bug à grande échelle ou d'une psychose injustifiée. Et c'est dans ce contexte qu'arrive un cas qui aurait pu rester totalement anecdotique s'il n'intervenait pas aujourd'hui. Un vieil appareil d'ancienne génération, alors là on ne parle plus du Note 7 mais du Note 2, datant de 2012. Cet appareil vient de prendre feu sur un vol entre Singapour et Madras en Inde. Et même s'il s'agit apparemment d'un smartphone dont la batterie d'origine avait été remplacée, l'aviation civile indienne, la DGCA, a immédiatement réagi en demandant très officiellement à tous les passagers de s'abstenir de voyager avec tout Galaxy Note ou alors de le garder éteint pendant le vol. Voilà que se réalise le pire cauchemar de Samsung. L'amalgame, pour reprendre un mot à la mode, entre Samsung et danger. Un raccourci rapidement fait au nom du principe de précaution par les autorités aériennes du deuxième pays le plus peuplé au monde. La triste réalité étant cela dit que toute batterie de tout smartphone, quelle que soit sa marque, a potentiellement un infime risque de prendre feu. Oh là là ! Ah bah oui, faut faire gaffe. Merci, merci Pascal Réseau. Le film de ce matin, celui qu'on vous envoie voir, ouais. C'est Radin. Avec Danny Boone. Danny Boone, ouais. Vous lâchez cette cloche. Je suis votre fille. Mais pourquoi tu m'as rien dit avant? Tu voulais que je lui dise quoi? Que son père est la plus grande pince du monde? Je ne peux pas vous loger. 100 euros par semaine. Non, c'est gentil, mais... 120 euros. 140. Ah oui, quand même. Eh oui, quand tu es arrivé au stade de faire payer ton enfant qui vient habiter chez toi, parce qu'il est un petit peu dans la dèche, c'est que c'est grave. Vous allez voir le film, il va rencontrer une femme, cette femme il va l'inviter au restaurant et ça va pas très bien se passer. Ça va pas très bien se passer non plus avec sa fille. Bref, mais normal, il y a Radin. Un film à aller voir, ouais, Radin avec Danny Boone. Qui ira le voir? Bah, une ou un d'entre vous. Peut-être. Au 70-2000 ou sur Facebook où on a atteint, les amis. Combien? 1008 j'aime. Non, bravo. On applaudit. Oh, on applaudit, ça y est, on a dépassé les 1000. Merci à vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à être là le matin. Oui. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mm-hmm. Très bonne nouvelle. Et justement, ce matin, on va sélectionner donc un ou une d'entre vous là. Sur le canal SMS ou sur Facebook. Oui. Allez, hop, c'est parti. On dit bonjour à Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour. Ça va Maryse? Oui, ça va bien. Maryse qui nous a fait remarquer qu'on a dépassé les 1000 fans sur Facebook. Ça, c'est chouette. Et Maryse qui sait pas pourquoi on l'appelle. Ben non. Mais on va vous le dire. Maryse. Bah oui. Oui. Et ben Maryse, on va vous gâter. Oui. On vous offre vos places de cinéma, vous allez au cinéma oui. ce matin. Ah bah super. Voilà. Deux places pour vous, valables dans les salles du réseau Moret Film, Multiplex Ciné Campbell, Saint-Paul, la Case Saint-Denis ou Plaza de Saint-Louis, c'est pour vous. Et c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini parce que en plus d'aller voir Radin avec Danny Boone au cinéma, vous allez peut-être en week-end à Sillaos, dans un hôtel 4 étoiles, l'hôtel Sillaos avec destination Sud Réunion. Voilà, vous participerez au grand tirage au sort de demain, comme tous ceux qui ont envoyé leur message sur Facebook aujourd'hui et toute cette semaine. Pareil pour les SMS. Eh ben super, merci. Eh ben c'est parfait. La journée est mieux comme ça quand même. Ah bah oui, ça commence bien. Eh ben parfait. Merci de nous écouter Maryse. Bonne journée à vous. Bisous, bonne bisous. Au revoir. C'est l'heure du moment tant attendu par toute l'équipe. Eh oui, c'est le zapping. Et Mickaël, en radio... Non, on en radio dedans. Et en bon. Télé, chercher ces mots, si tu veux, ça peut prendre vachement de temps. D'accord ? C'est vrai. Eh ben, des fois, t'as plus le temps d'inventer des nouveaux mots que de trouver les anciens que tu cherchais. Le c'est compliqué, zapping. Hein, c'est le zapping. Pour la France, pour la dignité... Le zapping radio ? Ouais, d'accord. La paix ! La paix ! La paix ! La paix ! Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ici, après-demain ? Ici, après-demain, nous allons essayer de Oh là là ! Améliorer notre pouvoir d'achat. Oui, ah, oui ! Oh là là là là ! Vous n'avez pas l'impression que parfois on est un peu perdu ? Si ! Sur le parc national et son éventuelle évolution vers le statut de parc régional. Parc national qui, on sait... Alors, comment ? Parc national toujours, pardon. Oui, à un moment donné, mais il est perdu. Alors, vous êtes dans le livre des records ou pas ? Ben oui ! Réunion première, bonjour. Marie-Hélène du service des nouveaux mots à votre service. Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir si vous avez des commissariats marlactiques. Des commissariats marlactiques. C'est quoi ça, des yaourts ? Non, c'est un commissariat. Mais où est-ce que tu as trouvé ça encore ? Dans le journal télévisé, avec Valérie Filin. Marlactique. Attends, quitte pas, je regarde. Éric Lenné nous attend en direct du commissariat marlactique. Ben... Alors c'est bon, tu es content ? Oui. Mais arrête un peu avec tes bêtises, hein. Sinon, moi, je te mets en garde à vous. Vous voulez plutôt dire en garde à vue ? Non, non, c'est bien en garde à vous. Attends, quitte pas. Qui a été interpellé, placé en garde à vue. Que faites... en garde à vue, pardon. Oui. Ben. mais que fait la police ? Que fait la police ? Jackie ! Bonjour Jackie ! Salut bonjour, Jackie. Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez la cuisine fusion ? Non. La cuisine fusion. Non, on va apprendre ça voilà, avec vous. C'est un mélange subtil des épices. C'est surprenant parfois. On en parle avec le chef Emmanuel Michaud, restaurateur saint-paulois, entre 8h et 9h. Ce sont ces plats qui se dégustent avec les yeux avant de les manger avec la bouche. Intéressant programme. Alors, tout ça entre 8h et 9h. Puis entre 9h et 10h, Jackie ? Entre 9h et 10h, il y aura Monsieur Krishnamurti Lingam pour les cousins Maraditi Frakoutou qui consulte par téléphone. Ah bah bien oui. Souvent, qu'on trouve pas de travail, il dit, enfin, qu'on a la chiasse, hein, pour parler comme ça, il dit. Bah, on ne doit pas dire ce mot. Hein. La ronge à ben non, ben voilà, ouais. Faut pas dire, on m'a pas dit d'ailleurs. Jackie Rebelle, 8h, 10h, la colle Jacques. Ben, salut Jackie ! C'est tout ? Fini ? Ou dis à moins de dire. Il y a Coldplay là ! Ah, Coldplay ! Bah oui ! Everyday, that's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive. Et si vous écoutez Grand Matin et Première, c'est Coldplay avec Adventure of a Lifetime que vous suivez en ce moment là sur Première. Isa, à demain Mickaël. On se dit à demain, on va finir sur une note très philosophique tout de même. On parlait de déposer les armes tout à l'heure hein, à la au commissariat ou à la gendarmerie. Il y a Jean qui nous dit bonjour mon madame, Nena deux obus où ça y dépose. Belle note philosophique. Ben, Jean, merci la réunion. Salut. Allez, bisous, à demain. À demain. Ou les bras panons, Jean-Claude. Oui, bras panons, sous la pluie qui commence à arriver, malgré le soleil au loin, mais très léger. Il pleut déjà donc sur Saint-Benoît, sur Saint-Rose, donc je recommande la plus grande prudence avec cette chaussée mouillée. Ça provoque déjà de gros ralentissements. Alors, il y a un tracteur juste sur la voie de droite, plutôt que de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence en provenance de Saint-Benoît, qui gêne énormément et cela provoque un gros ralentissement entre les giratoires de la Plaine et de Bracanote. Et dans l'autre sens, c'est à partir de Takamaka, pendant que les giratoires de la Plaine, que sont les ralentissements. Sur la route littorale, ça fait l'air légèrement amélioré puisque nous sommes maintenant à la Grande Chaloupe en direction de Saint-Denis et à l'entrée est, eh bien, un ralentissement depuis Petit Bazar pour aller en direction de Saint-Denis avec des zones roulantes au niveau de la ravine des Chèvres, mais ça coince à niveau à la hauteur de Gillot, ainsi que sur toute la longueur du boulevard sud dans les deux sens de circulation. Le pont Vincent, quant à lui, reste empli de moitié en direction de Belle-Pierre. Et dans le sud, on a toujours ces petits ralentissements qui persistent sur les eaux giratoires de la Catherine, pont de la rivière d'abord et giratoire des casernes. Prudence à vous et bonne route. Jean-Claude Machir sur Réunion Première qui revient dans 15 minutes. Il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Nouvel épisode dans l'enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral. Une perquisition a été menée mardi dernier à la région. L'enquête pourrait aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire. Le jeune homme arrêté suite à l'agression d'une étudiante cette semaine a été relâché. Un autre suspect est activement recherché. Hier, le président de l'université a annoncé des mesures pour améliorer la sécurité sur le campus. 60 000 euros vont être débloqués. Et puis le 11e salon de l'habitat et de l'immobilier s'ouvre ce matin à la halle des manifestations du port. Une manifestation qui partage l'affiche avec le salon de la voiture d'occasion. On en parle à la fin de cette édition. C'est une enquête qui a démarré en 2014, celle de l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral. Une nouvelle perquisition a été menée mardi dernier à la région. C'est la pyramide inversée qui a confirmé l'information dans un communiqué. Un nouveau coup dur, alors même que le chantier de la NRL semble empêtré dans ses problèmes de carrière. L'enquête, en tout cas, est loin d'être terminée. Gaël Le Dantec. Le conseil régional a fait l'objet ce mardi de perquisitions et de demandes de pièces complémentaires dans les services administratifs. C'est par un communiqué que la région confirme l'enquête préliminaire ouverte en 2014 sur l'attribution du marché de la nouvelle route du littoral au groupement Vinci Bouygues n'est pas terminée. Elle pourrait même aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire.